précédemment dans Wotaku. J'ai invité une amie à nous rejoindre pour ce quatrième épisode. Bienvenue Amchlan. Ce mois-ci, nous ne serons pas avec JP. Donc Amandine, tu vas nous parler du paladin. Avant, le paladin, c'était une classe assez monotouche. Les fameux dragons du cauchemar, Isandre, Eton, Emrys, Taera. Et c'est de nouveau une classe cheatée quand elle est bien jouée. L'interview du mois, Olibit. Avant, tu pouvais jouer correctement ton paladin en appuyant uniquement sur les trois mêmes touches. Et ce qui confirme un petit peu la vision que j'ai du terre de vieille saloperie. Vous faites par exemple des bonus de sacré à la frappe, ou alors vous récupérez des pavés... Ensuite, on passe au dossier de Ludo sur les podcasts. Je tenais à dédier cette émission à JP, aux Suisses. Leur accent, c'est comme une caresse sur mon corps nu. J'adore. Tout le monde prend peur parce qu'il lève sa jupe. C'est un temps qui n'a rien à faire éventuellement. Bah, mais t'es un paladin. On va s'intéresser cette fois-ci à Orgrimmar, au fort Gromache. Amandine, est-ce qu'on te revoit pour la prochaine émission? Avec plaisir. Eux aussi, ça fait saucisse. Et ils caressent Brock, etc. Sinon, éventuellement, le paladin, il te fait. Bienvenue sur ce cinquième épisode de Wotaku, avec moi comme toujours Brock et Ludo. Salut Amandine, salut Brock. Salut Amandine. Alors Ludo, est-ce que tu peux nous présenter le sommaire et nous expliquer brièvement pourquoi est-ce qu'on a autant de retard? Comme vous pouvez le constater, ça va faire 2 mois qu'on n'avait pas sorti d'épisode. Donc l'épisode 5 à la base il devait sortir en juillet, si on suivait le planning. Seulement, de base on a déjà eu un peu de retard et ensuite on a pris une nouvelle pas très bonne dans le sens où... pour des raisons personnelles, JP a dû arrêter le podcast. Donc j'ai la mauvaise nouvelle de vous apprendre qu'il ne sera plus parmi nous pour les prochains épisodes de Wotaku. Peut-être qu'il reviendra de temps en temps, faire une petite chronique ou faire un petit passage comme ça en tant que touriste, les mains dans les poches pour parler un peu. Mais plus en tant que chroniqueur comme vous avez l'habitude de l'entendre depuis le début. Alors, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, on a pris également Brock aussi, tu nous as dit que tu comptais arrêter le podcast, c'est ça? Oui, effectivement. Je pensais que cet 5e épisode de Wotaku serait mon dernier épisode, effectivement. Donc, en plein milieu juillet, donc, on se retrouve un peu le bec dans l'eau avec Amandine. Donc, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On continue, on continue pas. Donc, c'était un sacré coup pour nous. Du coup, on s'accrochait à l'idée, on s'est dit pourquoi pas, on va continuer, on va essayer de recruter un nouvel animateur. Donc il est avec nous aujourd'hui, donc on espère qu'il sera également présent avec nous pour les prochains épisodes. Donc, bienvenue Circle dans Wotaku. Merci, salut tout le monde, et ça me fait très plaisir d'être parmi vous. J'espère que ce sera pour longtemps. Il faut savoir que Circle n'est pas le premier podcast de Circle, puisqu'il a... c'est un concurrent en fait. On s'est dit qu'on allait embaucher dans la concurrence, et tu as un podcast qui s'appelle World of quelque chose. World of Geek. Vichy, World of Vichy, un truc comme ça, non, c'est pas ça. Alors écoute, on va pas être copains. Donc oui, je suis super content d'être là. Ça me fait plaisir que vous soyez venu me toquer à ma porte. Que je puisse vous aider. Donc ouais, je fais avec un ami à moi, Detox, on fait le podcast World of Week. On a sorti pour l'instant qu'un épisode, mais l'autre devrait pas tarder, voilà. Et j'espère apporter ma petite pierre à l'édifice. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Est-ce que tu joues à World of Warcraft, Circle? Oui, je joue. Enfin, là, je suis un petit peu en vacances retraite de WoW parce que j'ai joué beaucoup jusqu'à il y a 4 mois, on va dire. Et là, je fais, on va dire, une pause de World of Warcraft. Bon, attention, quand je dis pause, oui, je sais pas que j'ai totalement banni WoW de ma vie. Je tourne surtout autour, c'est-à-dire la communauté et tout ça. Ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir votre podcast et de faire un tour sur le forum. Hein. Et je joue comme ça, je me connecte, je dis bonjour aux copains, je farm les pets rares pour mon chasseur. Et voilà. Et je pense que comme vous avez tous pu l'entendre, Circle est suisse. Voilà. Je pense que c'est une des qualités principales de Circle, c'est d'être suisse. Merci, merci pour ta suissitude, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, j'avais entendu qu'en plus, c'était comme une caresse sur ton corps nu. Oui, donc, voilà. Ça me fait très plaisir. J'ai envie de te demander, Circle, est-ce que tu es suisse? Voilà, c'est tout. Est-ce que je suis je saucisse, donc je suis suisse, oui. Pour le sommaire, je crois, Ludo, que tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Ouais, on a certaines chroniques qui ne sont plus là et d'autres qui font un peu leur apparition, en quelque sorte. Alors, on va rentrer directement dans le sommaire et vous allez voir tout de suite. D'entrée, on aura donc l'histoire de Brock. Tu nous parleras de la guerre des trois marteaux, c'est ça, Brock? Absolument. Donc là, ensuite, on aura l'instant souvenir par Amandine. Amandine, tu peux nous expliquer le thème? Eh ben, cette fois-ci, on essaiera de se souvenir de ce qui nous est arrivé quand on est allé aux Lamentations. Ouais, bah, ça va être folklorique. Ensuite, la partie pierre de foyer, donc là, chacun apportera son petit quelque chose. Ensuite, comme à l'épisode 4, on a eu Télénil, à l'épisode 5, vous aurez Ludo pour un petit quiz. Ensuite, on aura donc les anciens grades, donc là, ce sera Circle qui fera sa petite chronique. Alors, qu'est-ce que c'est les anciens grades, Circle, en deux mots? Bah en fait, je vais vous parler des anciens systèmes d'honneur et de titres grade PVP. Avant la 2-0, avant Burning voilà. Crusade. Voilà. Ok. Donc ensuite, la partie Raidon. Alors, la partie Raidon, c'est la partie raid au niveau et la partie add-on. Donc en fusionnant tous les deux, ça fait Raidon. Oui, je sais, on s'est foulé pour le nom. Et c'est Amandine donc, qui nous parlera. Tu nous parleras de quoi à ce niveau-là? Eh bien, ce mois-ci, je vais vous parler des meilleures interfaces, des meilleurs add-ons pour gérer ces raids et faciliter les sorties de guide. D'accord. Et ensuite, nous aurons nos coups de cœur du mois. Donc là, ce sera Amandine, Circle et moi, donc nous parlerons de ce qu'on a aimé ce mois-ci, que ce soit en série télé ou en film ou en jeu vidéo. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, donc on n'a plus de chronique la classe du mois. Et on va se lancer tout de suite dans le programme de l'émission. Les stoïques nains de Forgefer ont extrait des générations durant les trésors enfouis dans les profondeurs de la terre. Cachés dans leur forteresse inexpugnable de la montagne de Forgefer, ils se sont rarement aventurés par-delà les pics enneigés de Don Moreau. Mais les nains ont récemment découvert des ruines, recélant nombre de secrets quant à leur antique héritage. Désireux de découvrir la vérité sur les origines légendaires de sa race, le grand roi Magni Barbe de Bronze a donné l'ordre aux nains de concentrer leurs efforts non plus sur l'extraction des minerais, mais sur l'archéologie. Pour la partie histoire de cette émission-ci, on va s'intéresser à la guerre des trois marteaux. Est-ce que ça vous dit quelque chose de votre côté? Les oui, marteaux, oui, mais pas trop la guerre. Oui, oui, alors ça me, oui, c'est un petit peu l'histoire principale en fait des nains qui a mené à l'heure actuelle à avoir le roi d'Ironforge actuel qui est le leader d'un des clans. Et on peut les retrouver, je pense que tu nous seras expliqué où. Mais je connais bien, je connais bien. D'accord. Donc, comme a dit Circle, effectivement, c'est un rapport avec les clans nains. Donc tout ça se passe bien avant l'arrivée des orques en Azeroth. Alors d'après la chronologie de Blizzard, c'est 230 ans avant l'ouverture du portail par Medivh. Donc à l'époque, il y avait trois clans de nains des montagnes qui vivaient tous aux alentours de Forgefer. Donc il y avait les Sombres Fer, les Marteaux Hardis et les Barbes de Bronze. Je pense que Barbe de Bronze est un nom qui ne vous est pas inconnu. Chacun de ces clans avait ce qu'ils appelaient un Thane, donc un leader, un chef. Mais les trois clans étaient dirigés par un seul roi qui s'appelait Modimus Courbanclume. Modimus Courbanclume, quoi, le nom. Il est... Ouais, en Vilmar. Si je crois que ses parents le détestaient à la naissance, non? C'est pour ça qu'il l'appelait comme ça. Peut-être, qui sait. Quoi qu'il en soit, s'il a été détesté par ses parents, son peuple a beaucoup apprécié. Son règne, puisque vous pouvez voir la statue de Modimus Courbanclume, donc, à l'entrée de Forgefer. C'est cette espèce de statue avec deux marteaux, un nain qui crie. Vous voyez, ah, c'est lui le truc en géant quand tu rentres, en fait? Voilà. C'est ça, ouais. Voilà. D'accord. Exactement. Alors, lorsque celui-ci est mort de vieillesse, chacun des clans a tenté de prendre le pouvoir à Forgefer, et une espèce de guerre civile a éclaté. Finalement, ce sont les Barbes de Bronze qui l'ont emporté, et les deux autres clans ont été bannis de Forgefer. Donc, les Sombres Fer sont allés se réfugier du côté des Carmines, qui à l'époque était une très jolie région. Et les marteaux hardis, eux, sont allés du côté de Grim Battle. Alors, si les marteaux hardis ont apprécié leur nouvelle région, se sont épanouis dans leur nouvelle région, puisqu'ils ont découvert de nouveaux trésors là-bas, on peut voir encore des chantiers de fouines naines autour de Grim Battle. Vous savez, c'est vers les Paliens. Donc on a, il y avait pas mal de trésors dans la région, donc les marteaux hardis sont vraiment plus parce que les nains sont des chercheurs de trésors. Par contre, Torisan, qui dirigeait le clan des Sombres Fers, soit la région ne lui plaisait pas, soit il avait des envies de revanche, et donc avec sa femme Mokdud, alors qui a vraiment très joli nom, tu parlais des parents qui aiment leurs enfants, Ludo. Je crois que là, ouais, là c'est l'apothéose. Ouais, je crois que le calendrier nain avec tous ses saints doit pas être très très triste. Mais bon, quoi qu'il en soit, Torisan et sa femme Mokdud se sont lancés à l'attaque de deux autres clans pour prendre le pouvoir, comment dire, diriger la race naine en fait. Alors, Mokdud est parti du côté de Grim Battle et Torisan lui est parti en direction de Forge Fer. Seulement, apparemment ils n'étaient pas aussi préparés qu'ils le pensaient, ils sont pris une raclée de deux côtés. Mokdud est même tué à Grim Battle et Torisan arrive à s'échapper de justesse pour se réfugier dans sa forteresse des Carmines. Avec les quelques fidèles qui lui restent. Les marteaux hardis et les barres de bronze, qui jusqu'à là étaient un petit peu en froid, sympathisent. Donc c'est bien, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, même si l'ennemi de mon ennemi était mon ennemi, alors du coup, l'ami de mon ami, c'est moi. Qui se met en route. Oh là là. Donc comme je vous l'expliquais, Torisan se réfugie dans sa forteresse des Carmines, avec les quelques fidèles qui lui restent. Alors, les marteaux hardis et les barres de bronze envoient leur armée assiéger la forteresse de Torisan. Et Torisan est désespéré du coup, ça sent plus très bon pour lui, il se tourne vers l'occulte et il cherche à invoquer un truc. Il sait pas trop quoi, il sait juste qu'il y a une puissance énorme qui est enfermée sous ses pieds. Et avec l'énergie du désespoir, il arrive à invoquer Ragnaros, le seigneur élémentaire du feu, qui jusqu'à là avait été enfermé sous ses pieds, des millénaires plus tôt, des millénaires plus tôt par les titans. Ça va tout faire péter dans la région, il y a même un volcan qui va pousser. Alors attention, c'est un volcan qui est formé de roches noires, et donc qui est en forme de pic, et donc on va l'appeler... Le pic de roche noire. Le pic roche noire. Merci Amandine, bravo, bravo, merci. Donc les Carmines avant c'était beaucoup plus grand que maintenant, quoi. C'est ça, voilà. Et donc les régions aux alentours sont dévastées. Ça correspond à Gorge des Vents Brûlants, les Steppes Ardentes et les Carmines. Ça explique maintenant ces espèces de régions rougeâtres, un peu désolées qu'on connaît. Donc Torisan va y rester, on ne sait pas s'il est tué par Ragnaros ou s'il est épuisé par son invocation. Il y a un proverbe qui dit « un crétin s'éteint, un volcan s'éveille ». Quoi qu'il en soit, les quelques survivants du clan Sombre Fer vont être réduits en esclavage par Ragnaros. Alors du côté des armées Marteau Hardy et Barbe de Bronze, on assiste à la création d'un volcan, on se dit « oula, ça va pas, bon, on va faire demi-tour ». Ils font demi-tour, ils s'occupent pas du cas de Ragnaros, ils annulent leur attaque. Les Barbes de Bronze rentrent donc à Forge de Fer. Et les marteaux hardis rentrent à Grim Battle, mais ils s'aperçoivent rapidement que leur belle cité a été dévastée complètement par les combats contre Mokdud. Et donc ils vont plutôt s'installer vers Lord Aeron, du côté des Interland. Et c'est là qu'ils vont s'acoquiner avec les griffons, et, etc., etc. Je pense que vous connaissez tous ce clan marteaux hardis au Interland. Mais donc c'est comme ça que va s'achever la guerre des trois marteaux, comme je vous l'ai dit. Donc on appelle la guerre des trois marteaux parce qu'il y avait trois clans, tout simplement. Il est à noter que qu'il y a des statues des deux chefs de clan de l'époque, donc le chef de clan des marteaux hardis et le chef de clan des forges de fer, qui ont été construites au sud-ouest du Loch Modan, à l'entrée de la vallée qu'on appelle la vallée des rois. Je sais pas si vous voyez. Ah oui, en fait ça fait un peu comme l'Argonade dans le Seigneur des Anneaux. C'est ça, voilà. Ah oui, c'est vrai que cette entrée elle est classe en fait, parce que ça rappelle justement le Seigneur des Anneaux. Donc on a parlé dans l'épisode 3 des chefs actuels du clan des marteaux hardis, qui s'appellent Curdran et Falstad. Parce qu'ici on va plutôt s'intéresser donc à la lignée des Thane des Barbes de Bronze, qui sont restés au pouvoir jusqu'à maintenant. Donc je pense que vous connaissez les trois frères, on va faire un peu le test des sept nains. Est-ce que vous connaissez le nom des trois frères Barbes de Bronze? Oui, moi je les connais. Mais bon, je vais laisser les autres parler, parce qu'ils n'ont pas trop parlé encore. Là, je les connais aussi. Ouais, moi aussi. Je... On écoute Amandine, alors. Non, mais merde, je voulais faire comme vous. Pourquoi tu m'interroges, moi? Ah non, mais j'en connais aucun, en fait. Circle, est-ce que tu connais le nom des trois, s'il te plaît? Alors, je crois, hein, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a un nom qui me reste, je crois qu'il y a Muradin. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait Muradin. Ouais, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a Bran, c'est un frère ou c'est un. Il est de la famille en tout cas. Enfin, je crois qu'il y a Bran, je suis pas sûr. Barbe de bronze. Oui, c'est ça. Et. je sais pas le reste si c'est. Si c'est Belgune ou un autre, je sais pas. Je sais. Mokdud ? Non, Mokdud, elle est morte. Oui, et Mokdud c'était une sombre fer en plus. Non, dans les forges, dans le. Oui. Dans le clan des Barbes de Bronze, il y a aussi, honte à vous les allianceux, le fameux Mani, le roi de Forge Fer. Ah, bah oui. Ah, Mani, ouais, c'est juste. excuse-moi. Et donc... ah, c'est... moi j'ai toujours dit Magni, alors ça se dit Mani ? Je sais pas du tout. Moi j'imagine que c'est le diminutif de Manogo, donc ça se dit Mani pour moi, mais peut-être que... voilà. Ouais, je prononce Mani aussi. Pour moi c'était Magni, parce que je pensais que ça venait de Magnus le Grand. Donc effectivement, on va commencer par parler de Mani, qui est le roi actuel de Forgefer, c'est le plus vieux des trois frères. Alors durant la seconde guerre, au cours de laquelle les nains ont rejoint l'Alliance, il était extrêmement courageux, il n'hésitait pas à être au cœur des combats. On a aussi appris récemment dans les comics qu'il a participé à la création de l'épée porte-cendre, Ashbringer, c'est un très grand forgeron. Il a aussi accueilli les gnomes, qui avaient un peu merdouillé Agnomergan. Bref, c'est un bon roi, juste, valeureux, bon et sage. Et l'origine de son nom vient d'un des deux fils du dieu Thor dans la mythologie nordique. Il s'appelait Mani aussi, voilà. Donc ce n'est pas du latin, on va dire. Donc maintenant, je vais vous parler de Muradin, qui est le deuxième frère, le frère du milieu, en quelque sorte. Alors, durant la seconde guerre, Muradin, lui, faisait la liaison entre Kazmodan, qui est la région autour de Forgefer, et Lordaeron, le royaume humain, ce qui lui a permis de côtoyer la famille Ménéthil, la famille d'Arthas et de Terranas. Il était présent à la bataille du mont Rochetoir, au cours de laquelle Lothar a été tué, j'en ai parlé dans l'émission précédente. C'est lui aussi qui va entraîner le jeune Arthas au maniement des armes, ce qui explique que Arthas le connaisse. Dans Warcraft 3, vous vous souvenez, il le rencontre en Orphandre. Et donc il dit « Ah, Muradin, c'est toi !» Voilà, il se connaissait d'avant. Donc, voilà. Genre. Muradin sera aussi un des fondateurs de la Ligue des Explorateurs, dont le but était d'étudier les différentes reliques architecturales d'Azeroth. D'ailleurs, il va partir explorer le continent du Norfandre et être fasciné par ces grandes plaines enneigées. Et alors qu'il se met en quête de l'épée de Givre, dont il a entendu parler, on ne sait trop comment, il va rencontrer Arthas, qui vient tout juste de purger Stratholme et qui s'est mis en tête de retrouver Mal'Ganis. Je pense que cette partie-là de l'histoire est racontée dans Grotte du Temps, 4e épisode. Voilà. Donc Muradin va rapidement comprendre que le jeune prince est en train de filer un mauvais coton. Il assiste notamment au massacre des mercenaires par Arthas, c'est une émission de Warcraft 3, je sais pas si vous en souvenez. Très bien. Uther va rappeler les bateaux, Arthas fonce détruire, traverse les lignes ennemies avec une bande de mercenaires et détruire les bateaux. Et ensuite va faire massacrer les mercenaires en disant c'est eux qui ont cassé les bateaux par ses soldats. Muradin va rester aux côtés d'Arthas, avec qui il va continuer à chercher Frostmourne. Mais il y a des espèces de fantômes ou de revenants qui sont... probablement affiliés aux dieux anciens, qui vont mettre en garde les deux compères par rapport au côté maléfique de Givre. Muradin tente de dissuader Arthas sans parler de l'épée, bien sûr Arthas ne va en faire qu'à sa tête, et va retirer l'épée de son socle de glace. Il y a un énorme fragment de Givre, du coup, qui va traverser le corps de Muradin. Arthas va abandonner la dépouille du nain et partir affronter Mal'Ganis avec son épée de Givre, Frostmourne, et devenir un chevalier de la mort. Alors, l'origine du nom Muradin viendrait probablement du dieu des nains, qui s'appelle Moradin dans Donjons et Dragons. C'est maintenant au dernier des frères qui s'appelle Bran. On a pu le voir récemment dans la bande-annonce de Ulduar. Vous savez, c'est ce nain qui court au début, qui fuit un... Non, ça vous dit rien ? Ça me dit non. Rien du tout. Je me rappelle plus. Bon, bah, revoyez la bande-annonce d'Ulduar. Il y a un nain avec un chapeau qui court. Donc c'est le plus jeune des trois frères, Bran. C'est aussi un des membres fondateurs de la Ligue des Explorateurs. Il était présent à la bataille du Mont Roche-Noir, lui aussi. Il va s'intéresser aux orques pour mieux comprendre leurs coutumes et apprendre leur langage assez rapidement. C'est assez rare d'ailleurs qu'un allianceux puisse parler orque, on l'a tous remarqué, je crois, jusqu'à là. Peu après la troisième guerre, celle qui se termine à la bataille d'Ijal, il va commencer à parcourir le monde, notamment le continent de Norfandre, pour enquêter sur la mort de son frère Muradin. On l'a vu donc en Norfandre, Strongleron, en Encalibdor plutôt du côté de Silithus, et tous les carnets de voyage, toutes les découvertes qu'il va faire, il va les répertorier dans un livre, et ces livres sont ceux dont nous a parlé Telenil dans la troisième émission. Sont les RPG Warcraft, s'est présenté comme le carnet de voyage de Bran l'explorateur. Bran a la fâcheuse habitude d'être souvent l'un des derniers survivants, voire le seul de ses expéditions, et il disparaît aussi assez régulièrement, ce qui cause bien du tracas à son frère Mani, qui est déjà suffisamment attristé par la disparition de son frère Muradin. En ce moment, on peut le trouver à la salle de pierre, où on doit l'escorter jusqu'à une console. Récemment, comme je vous l'expliquais, on l'a dans la bande-annonce d'Ulduar, où encore une fois, il est le dernier survivant de son expédition. C'est assez extraordinaire. Enfin, moi, je m'acoquinerais pas avec un mec comme ça, parce que c'est assez inquiétant. Je sais pas s'il est fou dangereux ou s'il a beaucoup de chance. C'est un rogue. C'est de la poisse. C'est ça. Sûrement. Quoi qu'il en soit, il faut remarquer qu'il enquête assez mal, puisqu'il n'a même pas été capable de retrouver son frère Muradin, qui, bien évidemment, n'est pas mort. Alors, vous avez dû entendre parler, je pense, de Yorg Foodrocker, qui est le roi des Givrenés. Alors, les Givrenés sont les nains de glace. Vous savez, des nains à peau bleue, qu'on peut croiser un peu partout en Orphandre. Et donc, que s'est-il passé pour Muradin après qu'il ait été empalé par cette énorme écharpe de glace et laissé pour mort par Arthas? Bah, bien évidemment, comme beaucoup de héros de World of Warcraft, pour Muradin, c'est l'amnésie, toujours. Il ne sait plus qui il est. Et donc, il se retrouve à errer dans le blizzard de la désolation des dragons. Et des givrenés, des nains de glace, donc, le retrouvent. Et même s'il est évident que Muradin n'est pas un nain de glace, il voit bien qu'il s'agit d'un cousin, et donc il décide de le ramener chez eux pour le soigner. Seulement, en chemin, ils sont attaqués par un Jormungar, vous savez, ce sont les gros vers de glace. On pourrait pas décrire ça mieux que gros vers de glace, c'est assez dégueulasse. Ouais, s'ils ont des genres de dents, en fait, c'est ça, la place dans les mâchoires. Voilà, ils font 4 fois la taille des joueurs, ils sont assez effrayants. Quoi qu'il en soit, alors que tous les nains de glace pensent y rester, Muradin va se transformer en nain de pierre, gigantesque, et va tuer le gros ver. Alors c'est un pouvoir qu'il avait dans Warcraft 3, vous savez, triplé de taille et connu bien oui. Beaucoup plus fort, et qui est apparemment lié à leurs origines de terrestres. Quoi qu'il en soit, les nains de glace, bien évidemment, sont fascinés par ce puissant dans des montagnes, et donc ils vont lui donner le nom d'un des guerriers de leur légende, qui est Jorg Foodrocker. Et là c'est parti, il va devenir le roi des nains de glace, et les sortir de leur misère, puisqu'apparemment les nains de glace ne savaient pas se battre avant lui. Enfin, je trouve ça un petit peu exagéré, comme le type qui devient le roi d'un peuple et qui leur apprend à se battre, je sais pas comment ils ont survécu jusqu'à là, si c'était si nul que ça, mais bon. Les Américains. Les trois frères. Quoi qu'il en soit, les trois frères vont se retrouver dans la dernière extension, bien évidemment. Donc Muradin va retrouver la mémoire, du coup, en revoyant ses frères. Ils vont parler un petit peu, et chacun va repartir de son côté. Bran à ses explorations, Ulduar notamment. Mani sur le trône de Forgefer, et Muradin à la poursuite d'Arthas. Le problème de la lignée des barbes de bronze commence à se poser. Les trois frères ne sont plus tout jeunes. À force de voyager et de disparaître, Bran et Muradin n'ont pas eu le temps de se marier et de faire des enfants. Par contre, Mani a eu une fille qui s'appelle Moira. Je pense que vous devez la connaître. Et elle est enfermée où? Exactement, puisque Moira est maintenant aux côtés de l'empereur Dagran Torissant dans la citadelle de Roche Noire. Et c'est le descendant du vilain Thayn des Sombres Fers. Mani envoie des joueurs libérer sa fille en prétendant que celle-ci a été enlevée par Torissan. Alors seulement, est-ce que c'est le syndrome de Stockholm ou est-ce qu'elle a rejoint Dagran de son plein gré? Quoi qu'il en soit, lorsqu'on vient la libérer, elle insulte les joueurs qui viennent de tuer Torissan et elle leur apprend qu'elle est enceinte de l'empereur Sombre Ferme. Et donc cet enfant, ils nous ont fait la promesse, sera amené à diriger Forge Fer. Alors est-ce que ça annonce la rédemption du peuple Sombre Fer, le rapprochement des deux clans qui jusque-là étaient ennemis, donc les Sombre Fer et les Barbes de Bronze? Ou est-ce que c'est plutôt une nouvelle guerre entre clans nains qui va éclater à cause de cet enfant? On sait pas trop, mais j'imagine que c'est que les prochains jeux de Blizzard nous l'apprendront. Voilà. Instance souvenir avec Amandine. Amandine, je crois que tu veux nous parler d'une instance bien particulière qui, moi, m'est très chère. Laquelle est-ce, Amandine? Eh bien, on va essayer de parler, je vous propose la caverne des Lamentations. Oh, allez, pour un alliancieux, ça va être chaud. Donc, on l'appelle aussi les Lams, maintenant. Alors, pour mémoire, c'était situé dans les Tarides, qui est une zone neutre hordeuse. Les alliances n'ont pas grand-chose à faire là-bas. C'est une instance qui était niveau 15-20 à l'époque, avec surtout des raptors et des serpents. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi des ectoplasmes, des espèces de gelées par terre, des plantes et puis aussi des druides. C'était un vrai dédale à l'époque. Bah d'ailleurs, personnellement, je sais toujours pas m'y retrouver, hein, donc je suis pas vous. Il me semble que Brock non plus, que c'est... Bon, c'est pas, comme disait Circle, c'est pas non plus BRD, mais c'est quand même assez labyrinthique. À chaque fois que j'ai fini un boss, je sais pas où est le suivant. Généralement, si je pouvais voir le GPS sur vous, ça m'aiderait bien. Hein. Sinon, pour mémoire, c'est aussi là qu'on peut trouver le premier set côté Horde, qui est un set cuir pour les druides et les chamans, le set du croc. Si vous vous rappelez bien, pour dropper les 5 pièces en même temps, faut être vraiment chanceux. Sinon, c'est aussi la première instance pour mémoire avec un event à la fin. Enfin, il me semble bien en tout cas que c'est la première où le boss de fin est, on va dire, optionnel. Puisque c'est en revenant au début et en allant chercher un druide avec une quête d'escorte qu'on finit par déclencher l'event avec le boss final. Ah ouais, bien chiante l'escorte en plus. Hein. Ah, l'escorte, ouais, très très longue. Hein, le temps sur la druide, elle s'invite, mais découvre qu'elle avance. Et puis généralement, comme on a fait tous les boss avant, le temps qu'on aille chercher, il y a eu ce qu'on appelle du repop. Donc il y a toutes les saloperies ectoplasmiques qui sont sur le chemin, les raptors, etc. etc. Donc lui, bien sûr, que lentement, il se les tape tous, et il fait un détour même pour se les choper. Enfin, c'est vrai que c'était terrifiant à l'époque. Y a pas de problème, avec lui, t'es tranquille, tu vides tout. C'est pas elle plutôt, non? Mais il me semble que c'est un druide. C'est un druide, oui, c'est un tauren. Ah, je crois que c'est une tauren, d'accord. C'est un tauren, et je crois qu'il a un rôle très important dans le cercle scénarien. Enfin, en tout cas pour les druides, pour le druidisme tauren, il est très important ce personnage-là. Bon, alors est-ce que vous, il y a un boss qui vous a particulièrement marqué, si vous vous en souvenez? Oui, il y en a un qui est tout au fond. Il m'a marqué en fait parce qu'il est trop chiant à aller chercher. Je me suis perdu 15 fois pour aller le trouver. C'est celui où il faut passer tous les milliards de serpents et. Je crois que c'est un druide justement qui se transforme pendant le combat. Oui, il n'y a que des druides qui se transforment pendant le combat dans l'instance, donc c'est très clair, Ludo, merci beaucoup. Parce que je crois que sur 7 boss, il y en a bien 4 qui sont des druides, donc effectivement ça nous aide beaucoup. Non, mais celui qui est perdu tout au fond des serpents, je sais plus comment il s'appelle. Il a une super arme pour le voleur. Celui dont tu parles. Mais ils ont tous des loots vraiment très intéressants à bas niveau, il n'y a pas que le set du croc d'ailleurs aussi, il y a beaucoup de mailles qui est vraiment excellente. Il y a un peu de tissu d'ailleurs, et en récompense de quête, il y a un superbe bâton pour les castors. Donc... Le bâton en croissant, si ça vous dit quelque chose. Le croissant, oui, le bâton en patron, ouais, non. Ouais, celui-là, tu le gardes sur 10-15 niveaux. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme boss? Il y a une espèce de gros sapin, ou je sais pas quoi, un truc à la fin qui nous attend. Oui, je crois que c'est Verdan Immortel qui s'appelle, c'est une espèce d'énorme lierre bizarre. Voilà. Un sapin. Qui a une belle salopée aussi. Il y a tous les druides, il faut tous les avoir, donc c'est assez difficile, il en manque toujours un, c'est comme les 7 nains, on trouve jamais le nom des 7. Et là, il y a toujours un des boss qu'on trouve pas, il faut tuer 4 druides, je crois. Et le 4ème, oui, pour avoir les 4 gemmes, oui, et de toute façon, quand on en a 3, on sait jamais lequel on a oublié. Voilà, c'est ça. Alors si je m'en rappelle bien, il y a Anacondra, Titas, Cobran, et ben voilà, il en manque encore un. Hein. Le dernier, c'est Grinch. Le dernier druide, voilà. Effectivement, pour une quête, il faut récupérer les 4 gemmes sur eux. Et c'est... Bon, maintenant, c'est du rush. Hein. De toute façon, généralement, on fait plus de groupe pour les instances bas niveau. Mais je me souviens qu'à l'époque, de toute façon, j'avais même pas assez de place à chaque fois pour finir la quête. Avec tout ce que je récupérais. Bah, juste pour parler des quêtes, il y a aussi des quêtes impossibles à avoir. Parce qu'en fait, il y a une espèce de rocher qui est au-dessus de l'instance. Je sais pas si vous voyez l'entrée des cavernes de la montation. Déjà, il y a des centaures en bas qui nous importunent tout le temps. Et en plus, il y a une espèce de caverne à laquelle il faut accéder. J'ai jamais compris comment faire. Je faisais du wall jumping à l'époque. Enfin, c'était une espèce de coup de chance chaque fois que j'ai réussi à avoir cette quête. Tu veux dire que tu exploitais les bugs pour y arriver? C'est pas que j'exploitais les bugs, c'est que j'essayais de. J'ai jamais compris comment on devait accéder à cette caverne. Oui, c'est vrai, c'est un crâne. Il y a deux PNJ qui sont situés dans l'orbite d'un œil. Et en fait. Il faut que tu contournes entièrement la montagne, que tu montes par l'autre côté, où tu vois même plus, tu ne vois plus du tout où tu es sur la carte, tu montes la montagne, tu arrives tout en haut au-dessus du crâne, et depuis le front, en fait, tu sautes sur le nez, puis dans l'orbite. Voilà, donc je sais pas comment j'ai fait, j'ai pu avoir ces quêtes-là finalement, mais c'était, je crois, avec 70 ou un truc comme ça. Voilà. Ou au partage, ça marche aussi, je crois, mais ouais, c'est vrai que ça, c'est mal foutu en fait, parce que si on te le montre pas, tu peux pas le savoir. Exactement, moi c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Attends, viens par ici, tu verras, il y a d'autres quêtes », non, parce que sinon, quand tu rentres dans l'instance, tu vois les points d'exclamation, mais tu ne vois pas les PNJ, donc ils sont un peu retors quand même chez Blizzard de l'avoir foutu au-dessus, je trouve. Bah à l'époque... De leur part, c'était pas cool. Il me semble que c'était ta première instance. Oui, c'était la première instance, ouais, effectivement. Le portail qui... Vous savez, l'entrée des instances, cette espèce de... Je sais pas comment on voit, une... brouillard... Un vortex. Vortex, voilà. Moi j'étais très très impressionné par ce truc là, je comprenais pas ce que c'était, je comprenais pas au départ qu'il fallait rentrer à 5. Et c'est vrai que entre le fait de devoir attendre des gens, j'ai commencé qu'avec des gens novices comme moi, donc le fait de devoir appeler des gens, les faire venir, on se perdait dans les tunnels déjà, on combattait, on partait dans tous les sens, on crevait. Enfin, c'était des premiers souvenirs d'instance, c'est vrai que c'est toujours marquant parce que on cafouille beaucoup. Donc, voilà. Ouais, c'est comme les mortemines côté Alliance. C'est votre mortemine, vous. Exactement. C'est vrai que c'est les mortemines de la Horde, en fait. Bah, c'est le même principe, d'ailleurs, parce qu'aux mortemines, il y a aussi un set cuir, mais c'est le set voleur, cette fois. Tu parlais des maps. Est-ce qu'on a fait le tour des monstres? Il n'y en a aucun qui vous a marqué plus que ça? Si, c'est rigolo, la fin, parce qu'on affronte un gros Murloc, en fait, justement. C'est ça, le boss de fin. L'event de fin, ouais, moi, c'est super sympa. Surtout qu'à un moment, en fait, il nous fait voir le rêve d'émeraude, qui ressemble vachement à un cauchemar quand même. Et il y a toute une apparition, mais il faut être, pour être vraiment attentif, faut pas faire autre chose, aller chercher un coca, parce qu'il fait apparaître plein de bestioles fantomatiques tout autour de lui. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon dieu, je vais pas survivre, j'ai failli partir d'instance. Parce qu'il y en a juste une trentaine autour de nous. Heureusement, on n'a pas à les combattre, et ensuite, Mutanus le dévorera après, mais il apparaît, mais c'est, ouais, c'est super flippant. J'ai trouvé que cet event était super réussi quand même. Mais il y avait un bug aussi dans les lamentations qui est arrivé, qui a dû rester 6 mois, je crois. qui a dû arriver vers 2007, je pense, à l'époque de Burning Crusade en fait. Il y avait un des. C'était pas un boss, c'était juste un monstre, mais qui était caché sous un rocher. Et en fait, quand on passait, on voyait un mec qui se prenait des claques, et on disait mais d'où ça vient, et pam pam, il crevait. Et en fait, le monstre était. C'était un bug, il était sous le sol en fait, donc impossible de le tuer, il fallait juste éviter ce point-là et puis le semer parce que. Enfin, le contourner plutôt, parce qu'il était intuable, mais il pouvait nous tuer. Donc, Bah écoute, je suis très fière de t'apprendre que j'y suis allée la semaine dernière et qu'il est toujours là. Je te jure que c'est vrai. Donc c'était pour un ami qui était bas niveau. Et je lui dis fais attention parce que dans ce coin-là, tu vois, le sol est magnifique et tout, mais il y a un type qui se balade. Et il n'a pas pu s'en empêcher, il est allé tapoter avec le bout du pied, voir s'il allait se faire taper. Et forcément, il s'est fait taper. Parce que le bug est toujours là, j'ai l'impression qu'ils y tiennent. En fait, ils nous l'ont laissé amoureusement là. Et tu te fais toujours taper par quelqu'un que tu peux cibler mais que tu ne peux pas tuer, et quand tu le tues, de toute façon, tu ne peux pas le fouiller. Il y a aussi, je crois, une histoire de... Dans l'autre de l'instance, il y a bien sûr un gobelin à trouver qui a piqué une fiole de Porto, mais t'as aussi une espèce de flaque que tu dois enjamber, enfin, c'est pas une petite mare, en fait, tu dois nager au milieu et puis passer de l'autre côté du tunnel. Et en fait, tu as une espèce de Nessie, vous savez, ces monstres, comment ils appellent, des batteurs, je crois. Exactement. Et en fait, pareil, il bug, il se coince à un endroit, et alors, tous les monstres comme ça, c'était assez chiant, parce que du coup, il fallait organiser le passage, parce que si on passait tous les uns après les autres, on se faisait tous tuer, enfin, c'était embêtant. Mais il y a aussi un autre monstre, un boss optionnel, je crois, c'est la grosse tortue qui se balade. Crèche, ah, oui. C'est vrai. Et d'ailleurs, je crois que c'est les guerriers, enfin, les tanks qui la convoitent, parce que je crois qu'elle lâche un bouclier, non? Exactement, d'ailleurs elle ne lâche que son bouclier. C'est le seul objet bleu que j'ai jamais vu, d'ailleurs ça doit être le seul. Voilà, et c'est un allianceux qui vous le rappelle. Ah ben bravo les Horlands 2. Sinon je me souviens aussi, à la fin quand on tue Verdan l'immortel, donc qui est le gros sapin comme on disait Brooke, juste derrière, pour revenir au début de l'instance et aller chercher le disciple, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous tombez par une grosse colonne et vous atterrissez dans une flaque d'eau. On tombe pas, on saute et ça c'est extraordinaire, ouais, c'est le saut de la foi. C'est super. Bah, la première fois que je l'ai fait, moi j'étais pas fière parce qu'en plus il y avait un membre de mon groupe, je ne sais pas comment il l'a fait, mais bon, ça m'arrive tout le temps. Apparemment, je porte la poisse parce qu'il a réussi à se suicider. Je sais pas comment il a fait. Présence il a atterri à côté de l'eau, je ne sais pas comment il a fait. Il n'y avait pas de DK avant. Oui, il n'y avait pas de DK à cette époque-là. Ah, comme tu l'as fait, d'accord. Non, il a tout simplement réussi à trouver un petit bout de pixel qui devait dépasser, c'est-à-dire je vais te mettre en plein dessus, et il est mort bête. Donc forcément, quand tu sautes après lui, t'as tendance à te signer avant de sauter, quand même. Faire la petite prière. C'était quand même assez buggé comme instance, maintenant que j'y pense. Bah, c'était pas la seule. Oui, bah d'ailleurs, il y a toujours le mec sous son sol, donc je sais pas ce qu'il fout là depuis le temps, peut-être... Peut-être c'en est un autre, peut-être le premier est mort, et là c'est relève, je sais pas, mais... Peut-être que les MJ n'ont pas réussi à le débloquer, hein. Peut-être il est tellement MJ. Bloqué en fait. Peut-être ouais. C'est un MJ qui déconne, tu vois, qui fait une blague. On a. L'histoire, c'est un peu mon instant, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de l'histoire ou pas du tout? Moi, pas un brin. Je sais même pas ce qu'on va y faire d'ailleurs. Du tout. Mais en même temps, en tant qu'allianceux, vous aviez pas de quête là-bas? Si, à part celle du crâne. Tu pouvais te partager. Ah, oui. Du crâne? Enfin, à l'entrée de l'instance, quand tu montes dans le crâne. C'est pour récupérer les quêtes. Non, je crois qu'il y a aussi celle du gobelin dont je parlais tout à l'heure. Tu as un gobelin qui t'envoie chercher une fiole de Porto. Enfin, en fait, tu as un gobelin qui a piqué une fiole de Porto à Cabestan. Donc, tu vas chercher une quête à Cabestan et tu vas ensuite trouver cette espèce de gobelin qui a un. Comment il s'appelle? Je sais plus. Magliche dedans. Ouais, et il est caché dans un coin. Il faut vraiment être. Enfin, faut vraiment savoir qu'il est là pour le trouver parce qu'il est furtif aussi. Enfin, c'était une quête un peu chiante. Tu avais la fameuse quête où il fallait récupérer les des pots de déviants, ça s'appelle. Je crois aussi. Celle où il fallait ramasser des fleurs aussi. Voilà, ouais, c'est vrai. La fameuse fleur pour laquelle on se battait. Tout à fait. Parce qu'au début de l'instance, comme personne ne sait combien il va y en avoir, tout le monde se rue dessus dès la fin du combat, voire même pendant le combat. Bah moi je me souviens. Ah oui, il y a aussi un. C'est pas un kodo, mais c'est les ancêtres des kodos là, vous savez, qui est dans un enclos. Si, c'est Scum, le kodo. Si, c'est un kodo. C'est un kodo, voilà. Et t'as aussi un monstre élite rare dedans. Non, pas dans l'instance, mais devant l'instance. À côté du vortex. Il y a un druide qui s'appelle aussi Cobran. D'ailleurs, c'est bizarre parce que ça fait un nom avec un boss d'instance, il me semble. Et il y a un batteur, comme disait Brooke. Il y a un batteur élite. Ah, les genres de Diplodocus des mers. Voilà. Et puis non, et puis il y avait un fameux saut de la mort aussi. Enfin... d'une plateforme à une autre, que je devais rater 3 ou 4 fois à chaque instance, et il fallait se retaper tout le chemin, c'était... C'était très simple pourtant, mais moi je le ratais à chaque fois. Je crois qu'il y a trois plateformes en fait. Enfin, il y a une petite plateforme au milieu, il faut sauter dessus, et puis après on arrive sur l'autre partie de l'instance. Vous voyez de quoi je parle ou pas du tout? Donc effectivement, il y a un saut, et à chaque fois quand on saute, on dit faites bien attention, il faut sauter, et il y en a toujours un qui ne saute pas. Moi je dirais que c'est une très jolie instance à faire, pour le cadre, pour les décors un peu longues, voilà, donc il faut vraiment y aller comme un touriste. J'ai envie de visiter et puis de découvrir une nouvelle instance. Je crois que c'est une instance à faire, si on la connaît pas, il faut la faire quand même. C'est, surtout avec le rêve d'émeraude qui risque d'arriver prochainement, d'après ce que j'ai compris. Ça pourrait être une très, très bonne introduction au rêve d'émeraude, ouais. Mille pardons, madame. Peut-être que si vous pouviez les faire taire... Ah, pour cette chronique Pierre de Foyer de ce cinquième épisode de Wotaku, nous allons parler de quoi? Est-ce que vous avez apporté quelque chose avec vous, cher compère? Bah oui, moi j'ai plusieurs choses. D'abord, je vais vous parler du baron Susdun, je sais pas comment vous voulez dire, qui est un machinima maker aussi, qui est donc un des collègues d'Olibit, il participe souvent au machinima d'Olibit. Il a fait une machinima donc qui s'appelle Happy Up There, qui est tirée d'une chanson. Enfin, qui est simplement une espèce de clip en fait, avec des images de World of Warcraft. Ça se passe autour d'Hurlevent, c'est une fête, enfin bon, c'est très très réussi, très coloré, vraiment je vous conseille d'aller le voir. Voilà. Et puis l'autre chose dont je voulais vous parler, moi c'était le BD blog d'Obion. Alors vous allez me dire que c'est encore un BD blog, mais alors là c'est vraiment la crème des BD blogs. Je me demande si c'est pas un des BD blogs les plus lus en France. C'est un joueur de World of Warcraft aussi, mais le BD blog n'est pas centré sur ça. Je crois qu'apparemment il vient de passer 80 avec son troll. Il a fait une petite bande dessinée sur ça. Mais sinon, c'est aussi un auteur de bande dessinée. Il a fait notamment Villebrequin, Le Déserteur et Donjon Crépuscule. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Mais alors en fait, j'ai découvert ce blog grâce à un certain Bichu qui avait mis un lien vers notre émission sur le BD blog de Obion, puisqu'il avait vu qu'il s'intéressait à World of Warcraft. Donc merci Bichu, ça m'a permis de découvrir ce magnifique BD blog. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des talents comme le sien dans notre communauté de joueurs de World of Warcraft. C'est un BD blog où il parle de beaucoup de choses, c'est très réussi je trouve. Et voilà. Donc là-bas vous pourrez apprendre plusieurs choses, notamment la recette des glaçons au pipi par exemple. voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et c'est tout pour ce mois-ci. Ce qui paraît, glaçons au pipi ça fait fureur pour les apéros. Alors en parcourant les forums officiels, je suis tombé sur un vieux message en fait qui date de 2007 et qui est maintenant en post-it donc dans le forum hors sujet et qui s'appelle Petite Perle de WoW. Alors c'est justement en fait les situations un peu insolites dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Genre par exemple, comme on discutait tout à l'heure avec Amandine, c'est un gros un raid qui est dans Molten Core. Et il y en a un qui dit bon ben on va lancer le chrono pour la technique du boss. Et l'autre il dit bon ben ok, bougez pas, je me rapproche du micro-ondes. Bon voilà, bon bref, quand c'est moi qui le raconte, c'est nul. Merci de rigoler, je me sens moins seul. On fait sitcom en fait. Donc en fait, ça regroupe en quelque sorte toutes les situations un peu insolites, les moments cocasses et les choses vraiment incontournables de World of Warcraft. Et tout ça en fait, c'est centralisé sur un seul et unique fil de discussion. Donc les joueurs l'alimentent avec le temps. Et par contre, par rapport à ça, je dois vous mettre en garde. Si vous commencez à le voir, enfin à le lire, franchement, vous allez avoir du mal à décoller. Donc, si vous faites ça à partir du boulot, attendez-vous à voir votre productivité chuter d'un coup. C'est le truc qui est vraiment addictif. D'après ce que je vois, apparemment, il y a 163 pages, donc il faut vraiment pas commencer au travail. Ouais, mais c'est vrai que dès qu'on commence à lire le premier, franchement, c'est excellent. C'est toutes les pires choses qui peuvent vous arriver que avec le recul, ça vous fait mourir de rire. Donc, les petites perles de WoW, vous retrouverez ça, le lien, sur les notes de l'émission. Circle, t'as un petit truc pour nos auditeurs? Alors, ouais, moi j'ai quelque chose, en fait, qui a touché un peu tout le monde de la communauté de World of Warcraft depuis quelques temps déjà. En fait, ça avait été un petit peu annoncé sous la table il y a environ 2 ans, et ça a un petit peu été laissé en attente. C'est le fameux film de Warcraft. Et en fait, récemment, Blizzard a commencé à lancer des communiqués de presse, et ça commence d'un coup à prendre une tournure un peu plus sympathique. Et bon, ils annoncent prochainement, c'est-à-dire quand c'est bizarre, prochainement ça veut dire une année voire deux ans. Hein, faut pas s'attendre, voilà, faut pas s'attendre non plus dans quelques mois à voir un teaser sur appletrailer.com, mais il y a déjà beaucoup de bonnes news, c'est-à-dire un communiqué de presse qui a été lancé par Blizzard sur leur site le 22 juillet 2009 en fait parlait de du producteur Sam Raimi qui serait donc assigné à ce film là mais il faut savoir que Sam Raimi donc a produit a réalisé plutôt Spider-Man, hein, donc la série des trois films Spider-Man. Et donc dans ce communiqué de presse, donc il parle un peu de la relation. Donc je cite par exemple que Sam Raimi dit et pense de l'univers de Warcraft. Littéralement, il dit que dans son noyau dur, Warcraft est fantastique, un truc d'action fantastique au niveau de l'histoire, et que il est vraiment impatient de travailler. Sur un projet dynamique pour donner naissance à un film aussi qui j'espère, et franchement je pense que quelques millions de joueurs dans le monde espèrent sera légèrement mieux réalisé qu'un certain Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball. Enfin, petite parenthèse là-dessus, si vous n'avez pas vu ce film, n'allez pas le voir. C'est une perte d'argent, de temps, de temps de téléchargement pour certains. Enfin, c'est inadmissible. Et donc, on espère voir arriver prochainement sur nos écrans géants une super production, un magnifique film. Et après, ça reste pour ce qui est communiqué. Ils sont très durs à filtrer hein, pour l'instant. Parce que bon, je pense qu'il y a tellement d'attentes et tellement de spéculations possibles qu'ils préfèrent y aller au compte-gouttes. Et donc Sam Raimi sera épaulé par le producteur Charles Roven, donc qui a entre autres donné naissance au Batman Begins et The Dark Knight, donc ils sont excellents films. Voilà, d'excellents films, je trouve, qui ont vraiment redonné un nouveau souffle à la série des Batman, qui était un petit peu, je dois dire, des navets pas possibles. Ça, c'est clair. Donc voilà, on peut espérer avoir quand même une production de qualité, quelque chose qui nous donnera envie, je pense qu'ils font ça aussi pour ça, envie de jouer encore plus, et certainement qui va nous ravir pour des personnes qui ont quand même vécu pour certains 4 ans d'aventure, et je pense au moment où il sortira, passer 6 ans d'aventure de WoW. Et donc en fait là moi je pars plutôt sur si vous êtes d'accord si on pouvait un peu spéculer sur le contenu du film, sur l'histoire, la période durant laquelle va se dérouler l'histoire, et peut-être qui en sera le héros s'il y en a un. Donc si vous avez des idées, ce serait pas mal, parce que je pense que beaucoup de gens spéculent là-dessus. En fait, je crois avoir vu passer au début qu'il parlait du film que ce sera plus ou moins, enfin que ce serait plutôt plus ou moins orienté autour d'un humain, enfin, l'histoire principale, ça tournerait autour de lui, et ce serait un des héros, en fait. Voilà, ouais, ça j'ai entendu aussi. Ouais. Ce qui me fait peur, moi, après, derrière, c'est que ce ne sera pas directement Blizzard avec la qualité qu'on lui connaît qui réalisera le film en image de synthèse, mais ce sera plutôt avec des vrais acteurs. Donc là aussi, je sais pas ce que ça va donner. Ça risque de faire un peu bizarre quand même de voir... Warcraft matérialisé comme ça à l'écran, en fait. On a plutôt l'habitude de voir Warcraft avec des images de synthèse, et c'est vrai que là ça va un peu casser l'image qu'on a. Et bon, en même temps, derrière, je me dis c'est Blizzard qui a les commandes pratiquement de tout derrière, et c'est eux qui gèrent tout ce qui est scénario et tout, donc on peut s'attendre quand même à la bonne qualité, mais je redoute un peu ça. Je me languis de voir au moins un teaser. Ouais, moi aussi j'espère que ce sera pas juste un vieux cosplay, genre la fille elfe de sang sera pas juste des oreilles en plastique et tout, parce que sinon ça va être traumatisant, genre. Petite parenthèse, Sam Raimi aussi, il a fait donc la trilogie Spider-Man 3 qui était un bon film, mais bon, il a fait aussi à côté une bonne croûte qui s'appelle 30 jours de nuit. Alors j'ai maté un bout et j'ai pas fini le film. Film absolument horrible, ni queue ni tête, tu te demandes c'est quoi l'intérêt du film. C'est un film de vampire classique. C'est une production de Sam Raimi, mais c'est pas réalisé par lui, et enfin ouais, ils ont une mauvaise gestion du temps, il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y a des trucs qui sont pas mal quand même, il y a des bons plans, et puis il y a des trucs qui sont pas mal aussi. Mais... On peut dire que l'idée est bonne, l'idée de 30 jours de nuit est bonne à la base, mais qu'ensuite ça a mal été exploité. Ça arrive souvent, hein. Il y a qu'à voir, je reviens sur Dragon Ball, qui est quand même une énorme histoire, un énorme potentiel qui a été super mal adapté avec des erreurs monstrueuses, et voilà. Donc ça, ben, par contre, comme tu disais par rapport à l'histoire image de synthèse, oui, d'un côté c'est vrai que Blizzard a toujours produit des intros qui sont énormissimes. Après, c'est des intros qui faisaient rarement plus de 2 minutes. Donc ça, il faut se dire qu'un film qui durerait peut-être 2 heures, et peut-être hein, une trilogie, parce que vu le contenu du lore de Warcraft, je pense qu'il pourrait même donner naissance, si ça marche, à une trilogie, parce que c'est ce à quoi je m'attends. Ah, mais je crois qu'il en dit clairement, c'est d'abord ils vont partir sur un film, et s'ils voient que ça marche, ce dont ils espèrent, il y aura une suite, voire plusieurs suites après. Ouais, voilà. L'histoire apparemment se passerait un an avant World of Warcraft, et comme tu disais, ce serait l'histoire d'un humain, mais ça fait 3 ans qu'ils nous le disent. Alors moi, peut-être que tout ça a été récupéré et que c'est devenu l'histoire du comics maintenant avec Varian. Vous savez, ouais. Quand on parle d'humain, je pense que hormis Arthas, qui est un humain mais qui a tourné différemment, je pense que c'est vrai que celui, l'humain, important chez les humains, qui a eu quand même l'histoire la plus... scénarisé, dessiné, etc. jusqu'à présent, ça reste Varian Wrynn. On connaît son histoire enfant, on sait pourquoi, comment ça s'est passé, qu'il est parti donc avant World of Warcraft, le guerroyer, que son fils était là avec Dame Prestor, etc. Mais justement, moi je voulais juste en venir au fait par rapport à l'image du film, que je me dis que si une adaptation qui n'est pas d'un livre directement, mais d'une ligne du temps, de jeux, de comics et tout, qui est un peu mis ensemble, que s'ils arrivent à faire quelque chose comme Le Seigneur des Anneaux, c'est visé très haut, mais je pense qu'à l'heure actuelle, avec les effets spéciaux, tout ça, ils pourraient quand même, avec le temps qu'ils ont mis à travailler dessus, s'ils pouvaient chercher quelque chose qui était au moins à 80% de la qualité de ça, ce serait déjà énorme. C'est clair que les oreilles en plastique, tout ça, c'est à bannir tout de suite. Il faut voir un peu vos références, les gars, parce qu'entre Dark Knight, Spider-Man et Le Seigneur des Anneaux, ça va, quoi. Faut essayer de voir des bons films, pour une fois, parce que... qu'est-ce que vous avez comme truc, là? Mais quelle horreur! Vous essayez de me tuer? C'est... les costumes sont super pour Le Seigneur des Anneaux, il y a des... bonne image de synthèse et encore, mais si c'est pour avoir des elfes qui font du skateboard comme Legolas, ça va quoi. Ce serait bien qu'ils remontent un peu le niveau et qu'ils fassent quelque chose d'un peu plus correct pour Warcraft. Enfin bon. Voilà. Oui, bien sûr. Mais donc Warcraft laisse libre quand même. Enfin, ça reste comme il dit Ludo, Blizzard qui chapeaute le tout. Ça reste eux qui écrivent et qui veulent avoir la mainmise sur tout le scénario à la base. Donc je pense qu'ils laisseront pas trop place à la fantasy. Après, faut pas oublier que Blizzard souvent met des easter eggs, fait des points d'humour, que ce soit dans les quêtes ou dans le contenu. Je pense que peut-être il y aura, mais... Oui, c'est certain même, limite. Je crois qu'ils l'ont dit, il y aura des références, des petits points d'humour, justement. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut espérer quand même que ce soit au niveau du contenu. Après, l'image, c'est facile. Quand on voit que c'est du Legendary Pictures, Sam Raimi, Charles Reven, tout ça, ça laisse quand même présager du bon. Après, ça reste au niveau du contenu. J'espère qu'ils ne vont pas se planter, qu'ils vont faire une histoire qui a un bout, quoi. En fait, moi, ce qui m'a rassuré un peu là-dedans aussi, c'est, je crois avoir vu une news passer là-dessus, alors j'ai dit peut-être une connerie, mais je crois que c'est ça. Blizzard, en fait, avait fait en sorte de signer un contrat dans le sens où s'il y avait un truc qui leur plaisait pas dans le film ou dans l'histoire, ils avaient le droit justement de tout annuler et de se rétracter. Voilà, un droit de veto complet. C'est peut-être pour ça que ça a pris du temps. Hein. Peut-être pour ça que ça a pris du temps avant, parce qu'au début, ils avaient quand même annoncé qu'ils allaient faire avec ceux qu'on fait 300, si je ne me trompe pas. Il n'y a plus de news. Et depuis, ça a quand même tout changé, parce que Sam Raimi n'a pas fait 300. C'est quelqu'un d'autre. Donc, déjà utilisé ce droit de veto une fois. C'est pour ça que ça a pris du temps. Et je pense que là, ils ont l'air... content. Bon, si on lit l'interview et le communiqué de presse complet, il y a beaucoup de lèches. Je veux pas être méchant, il y a beaucoup de lèches. Hein. C'est bizarre, ils sont gentils. Ah, mais Sam Raimi, c'est un super gars, etc. Faut voir ce que ça donne. Hein. Qu'est-ce que je veux dire, Amandine, t'en penses quoi de tout ça? Parce que t'as pas beaucoup entendu, c'est resté une discussion de geek ou de mec. Oui, un petit peu, j'en pense rien du tout. Moi, j'attends de voir. On va plutôt reformuler. Disons que qu'est-ce que t'espérerais voir en fait dans ce film? Comment tu l'attendrais pour qu'il te fasse plaisir, quoi? T'es vraiment moi, dans un film avec des acteurs, j'attends pas franchement grand chose. Moi, ah, sérieusement, c'est un film d'animation? Non, sérieusement, je me souviens par exemple du film Final Fantasy qui avait rien à voir avec la série Final Fantasy, mais au moins on gardait le côté image de synthèse. Mais là, un film World of Warcraft, pour moi, ça peut être une grosse daube. Enfin, j'attends vraiment de voir. pour en revenir à ce qu'on aimerait comme contenu, moi, un film qui me touche, c'est le film où, quand la lumière revient, je suis toujours assis, en train de regarder le générique et en train d'applaudir. Enfin, il y en a que très peu qui m'ont fait cet effet, mais quand enfin, on voit que c'est fini, on est limite, triste. Moi, c'est pas tellement dérangeant que ce soit des vrais acteurs. S'ils arrivent à rattraper ça par une vraie bonne ambiance heroic fantasy, une bonne intrigue, une bande-son intéressante et tout, ça, forcément, ça pallie. Enfin, on rentre dans le truc, quoi. Mais ce que j'ai peur, c'est que ce soit faible, en fait. Je pense que rien que niveau ambiance sonore et bruitage, enfin, quand tu vois la qualité qu'il y a dans les BO des trois jeux, que ce soit World of Warcraft classique, Burning Crusade ou Wrath of the Lich King, franchement, tu te dis, c'est bon, il n'y a pas de problème pour ce côté-là. Niveau ambiance ouais. sonore, franchement, ils se gavent. C'est pour ça que j'espère qu'ils vont rester dans cette lignée, quand même. Bah, ils ont fait, et je pense que c'est pour ça que Blizzard veut chapeauter le tout. C'est pour garder leur identité complète par rapport au film. Et en même temps, ils le savent qu'ils sont attendus au tournant par rapport à ça, parce que ça va être une première pour eux de se lancer dans le cinéma. Warcraft, c'est limite une très très grosse licence pour eux. Je sais pas si c'est même pas la plus grosse licence. Bon, on va pas dire que Diablo ou Starcraft, c'est des petites licences, mais c'est grosse licence aussi. Mais Warcraft, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus étendue, en fait, notamment grâce aux jeux en ligne. Mais je pense qu'eux, ils savent très bien qu'ils n'ont pas intérêt à se manquer, quoi. Mais oui, mais il y a un truc, c'est... on pourrait dire ça pour les bandes dessinées, on pourrait dire ça pour les livres, et pourtant, même si ils ont toujours chapeauté, même si Mezzan a toujours été derrière toutes les créations dérivées de l'univers de World of Warcraft, c'est des grosses merdes. Les bouquins sont pourris, les mangas sont pourris aussi, c'est des trucs grimaçants et dégueulasses. Les bandes dessinées, c'est carrément... Enfin, ils changent de dessinateur toutes les cases, c'est débile... Mais... On voit Jaina qui règle le problème des nécropoles, vous savez, les trucs qui volent au-dessus des villes, avec un sort, il fait ah pff, et puis ça explose, enfin, elle a éternué quand elle fait ah pff, ça veut dire oui, peut-être, elle n'a même pas fait exprès, ça se trouve, enfin, c'est vraiment une très mauvaise bande dessinée, il faut espérer qu'il fasse un bon film par rapport à ça. Et il y avait juste un autre truc qu'il faut penser, c'est que World of Warcraft a quand même presque 5 ans maintenant, et en fait, il va bientôt falloir qu'il change de moteur, comme je pense, parce que même si il continue à surpasser toute la concurrence, il va falloir qu'il passe à World of Warcraft 2 peut-être, et ou à Warcraft 4, et peut-être que le film serait une transition entre les deux. Peut-être que le film pourrait annoncer le prochain MMO, je pense que ça pourrait être ça. Si on suit ta logique, Brock, tout à l'heure tu nous as dit que le film il se passerait justement aux alentours de Warcraft 3, avant World of Warcraft. Donc... Oui, mais ça c'est une annonce qui est faite depuis 2 ans, donc c'est une annonce qui a été reprise depuis ce qui est dit depuis 2 ans, donc là je pense qu'ils savent même pas où ils en sont par rapport au scénario, ils savent pas ce qu'ils vont traiter, ils savent pas... Ouais. Enfin ouais, moi je pensais pas justement que ça allait plutôt toucher à World of Warcraft, mais juste effectivement tout ce qui était avant, à l'histoire avant quoi, World of Warcraft. Et je sais pas s'ils vont faire, ils vont annoncer quelque chose par rapport à ça en fait. Et ça peut être vachement intéressant si ça se passe entre Warcraft 3 et World of Warcraft, parce qu'il y a toute une question de géopolitique à ce moment. Il y a comment les réprouvés sont rentrés dans la Horde, par exemple, comment les orques ont construit Orgrimmar, même si on le voit un petit peu à la fin de Frozen Throne. Mais il y a plein de questions comme ça, comment ils s'approprient le territoire de Durotar, comment les humains s'installent à Terramor. Il y a plein de trucs qui se passent entre les deux jeux. Qui serait la géopolitique, et ça pourrait être vachement intéressant, ça pourrait être genre des fondations pour Asimov ou des trucs comme ça, donc faut voir. Mais, c'est vrai, ouais, comment les orques s'installent en Durotar avec le père de Jaina qui les pourchasse et tout ça. Ça on l'a vu dans le jeu vidéo déjà, mais oui, il y a la création de la ville, la construction de la ville, quelque chose comme ça. J'ai pas fait froid. Faut que ce soit un contenu intéressant au niveau film, ça c'est clair. Après, si c'est que par exemple de la baston ou que des trucs, c'est clair que si ça inclut plusieurs personnages, plusieurs histoires liées comme les Seigneurs des Anneaux. Ouais, après moi, personnellement, moi je dirais s'il devait changer d'optique, vu que je pense que WoW n'aura peut-être pas forcément 10 000 extensions encore et qu'il y a encore un énorme contenu en fait qui a été déjà imaginé pour le futur, moi je dis ce qu'il pourrait faire aussi. Ce serait simplement terminer WoW par un film, c'est-à-dire Warcraft par un film, c'est-à-dire il y a encore tout le futur de WoW par rapport là on entre quand même gentiment en liaison avec les Titans en allant à Ul'Duar, il y a quand même des explications des origines de certaines races. Et c'est vrai que s'il devait faire alors en plusieurs films, soit il ferait une histoire continue, mais là ça se baserait que sur quelques années, soit alors il ferait plusieurs passages précis, c'est-à-dire par exemple comme vous dites là entre Warcraft 3 et World of Warcraft, ou peut-être après World of Warcraft, où on en est à maintenant, qui évolue lentement. peut-être qu'il y ait encore une suite ou qui fasse, si vous voulez, un petit peu la fin ou quelque chose avec les Titans, quelque chose. Ça peut être quelque chose de très très impressionnant. Je veux dire, faut pas oublier que l'essence même du monde de Warcraft, c'est les Titans, tout ça. Je sais pas. Franchement, moi personnellement, j'espère simplement que ça se passe n'importe quand, mais qu'il y ait un contenu vraiment décent, que ça me donne envie de voir un autre film, que je sois triste quand ça finit, que j'applaudisse, que je sois tout seul assis comme un con dans le cinéma quand tout le monde est parti. Et que je me dise en même temps, et que comme les millions d'autres personnes qui ont joué à World of Warcraft ou à Warcraft 3, etc., qu'on en fait un petit peu partie. Parce qu'on a participé à cette histoire pendant des années et que cette histoire, on se reconnaît, on voit quelque chose, on connaît des choses. C'est ça, je pense, qui peut toucher le public. De voir, je sais pas moi, Ironforge, Orgrimmar, tout ça en vrai, entre guillemets, dans un film, ça peut toucher les gens. Ça peut, de voir quelqu'un de la race que tu joues, un orc, un elf ou quoi, prendre vie sur un écran, avoir une histoire quand même plus poussée, ça pourrait toucher les gens. Et je pense que c'est ça que les gens attendent, enfin, j'espère. Pas juste un truc, un péplum tout pourri, quoi. C'est beau ce que tu dis. Bon, si vous deviez conseiller un film à Sam Raimi, parce que Sam Raimi n'est pas un très bon réalisateur, il a besoin encore de faire ses preuves, si vous deviez lui conseiller un film pour qu'il s'en inspire pour World of Warcraft, qu'est-ce que ce serait? Oula. Moi j'ai une idée. Moi. Vas-y. Willow. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Il date de 88, Willow. Ouais. Ouais. Oh, c'est vieux, mais c'est super. C'est trop bon, quoi. Les effets tout pourris, mais ça foutait les boules quand t'étais jeune. Bon, qui d'autre? Lui conseiller un film pour que. Oh là là, pour moi, c'est chaud là. Bah, regarde, il y aurait pour au niveau des batailles, des interactions pendant les batailles, il y aurait Braveheart, et puis un autre encore qui est. Voilà, le Patriot. Je trouve que t'as les grosses batailles et que t'as une histoire dans la bataille quand ils se voient les deux, puis que ça c'est juste haletant, quoi. Tu sais pas qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va gagner, et t'es en colère parce que le gars c'est vraiment un connard. Je veux dire, c'est voilà, faut que ça fasse ressentir des trucs aux gens. Pas que tu vois des orques se faire éclater par des morceaux de pierre balancés depuis Minas Tirith. Enfin voilà, quoi. Je veux dire. D'accord. Je sais pas. Non, mais ce serait Google. Le Seigneur des Anneaux, parce que j'avais trouvé que les batailles étaient vraiment épiques. C'était génial, j'étais à fond dedans. Mais bon, après, le Seigneur des Anneaux, il y a des gens qui adorent et d'autres qui détestent. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le Seigneur des Anneaux, parce que je n'avais pas lu les bouquins, c'est peut-être pour ça. Moi non plus. Mais franchement, les batailles contre les orques et tout, j'ai trouvé ça tellement génial. Le moment où l'elfe et le nain comptent chacun leur victoire et tout, c'est excellent. Ah ouais, tu veux dire, c'est juste avant que les Golas fassent du skate. Ouais. Voilà. Personnellement, j'ai lu les bouquins et malgré tout, je suis très critiqué pour ce genre de choses, mais je dis que pour adapter une œuvre aussi énorme que J.R.R. Tolkien a fait, je trouve qu'il s'est quand même pas mal débrouillé. Parce que sinon, il aurait fallu 10 films de 3 heures et encore. Ouais, pour Brock, on va dire qu'il est pas trop mal adapté, ouais. Voilà, peut mieux faire. Mais par rapport au livre, il est assez bien adapté quand même. En espérant juste que Warcraft éventuellement tourne en Nouvelle-Zélande pour nous faire découvrir les sublimes paysages de la Nouvelle-Zélande, comme nous a fait rêver dans Le Seigneur des Anneaux. Non mais Le Seigneur des Anneaux était tourné en Haute-Savoie, faut le savoir. Tous les décors du Seigneur des Anneaux sont de Haute-Savoie. Si, c'est beau comme ça la Haute-Savoie. Bon, moi le seul truc que je conseillerais à Blizzard serait de regarder Pitch Black et les Chroniques de Riddick et puis d'essayer de mettre de la crasse dans votre univers comme ça, de mettre un univers qui est pas forcément très agréable parce qu'on faut vous rappeler quand même que c'est un univers de fou dangereux. World of Warcraft, des mecs qui ont connu la guerre depuis 30 ans sans arrêt. Donc des instincts très bas et des héros un peu. Des drôles de héros. Bon, en tout cas, on espère juste alors pour Brock que Warcraft sera mieux adapté que le Seigneur des Anneaux avec des héros charismatiques, s'il vous plaît. Ces serviteurs que vous avez rassemblés sont prometteurs. Je vais vous donner une dernière chance ou affronter ma colère éternelle. Je crois qu'il est temps de passer à la petite surprise que Ludo nous a promise. Qu'est-ce que c'est, Ludo? Alors, pour vous expliquer un peu, c'est donc un quiz sur, en général sur WoW, donc ça va concerner World of Warcraft et un peu ce qui tourne autour. Ça peut être tout et n'importe quoi en fait dans World of Warcraft, donc les questions sont faites pour que tout le monde puisse y répondre, même si vous ne connaissez pas forcément l'histoire. Donc voilà. Ok, donc moi je vous laisse et après donc vous voyez directement, ben ce sera le présentateur qui vous posera les questions. Oh mon dieu, j'ai peur. Oh putain, moi aussi. Voilà. Donc bonne chance à tous et à tout à l'heure. Allez, on fait péter le générique. Bienvenue à toutes et à tous pour un spécial question pour tout un régiment organisé par Wotaku sur le thème de Warcraft. Votre émission vous est présentée par Julien Persil. Allez, on est parti pour la première question. Donc à chaque fois, donc à chaque question, vous jouez pour gagner quelque chose, bien naturellement. Vous ne jouez pas pour rien. Donc, première question, vous jouez pour le livre de Van Cleef, J'aurais dû être Greg le millionnaire. Attention, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Top, je suis un gamin en pleine puberté qui, après m'être fait sacré prince, je commence à partir en sucette. J'ai découvert mon homosexualité grâce à mon instructeur et après m'être pris plusieurs râteaux par Dina. Amandine? Arthas. Oui, joli. Ouais, je me permets d'émettre une requête. Je pense que la latence est... Enfin, voilà, quoi. Je suis sûr d'avoir parlé avant. C'est vrai, la Suisse, c'est loin. Allez, deuxième question. Donc là, on joue pour un livre écrit par Amandine qui nous parle des paladins, La guerre des pavés. Top, je parcours les forums officiels de World of Warcraft et je me tape la tête contre les... Oui. Brooke. Non. Non. Ah. Non. Et je me tape la tête contre les murs chaque fois que je lis un LOL ou un MDR à longueur de journée. Oui. Aguilar. Oh, joli. Bravo. Aguilar, c'est pour toi. Je t'enverrai le livre. Je parcours les forums officiels de World of Warcraft et je me tape la tête contre les murs chaque fois que je lis un LOL ou un MDR. À longueur de journée, je vois des Go IRL POVNAB, LOL, FFS, L2P, Ozone, les chouettes et PTDR, OZEF, les DM, c'est moisi. Ma seule façon de couler le bec au Kevin est mon arme secrète qui schlingue à tout van. Allez, troisième question. Donc là, c'est pour gagner un ouvrage intégral. Oh lol, trop MDR le livre, comprendre le SMS dès le CP. Top, je peux marcher à deux pattes comme à quatre pattes et mon passe-temps préféré reste les herbes. Pour nous, l'herbe est sacrée alors que les trolls la fument. J'aime. Oui ? Et Toren. Bien joué, Amandine. Bon, on aurait pu dire les druides aussi. Hein. J'aime me faire traire, que je sois un mâle ou une femelle, et chaque fois que je lâche une caisse, la couche d'ozone en prend un coup. Souvent content. Vous pouvez me trouver principalement dans la forêt d'Halloween ou au Mulgore. La fin de la chaîne de production de pour mon lait se termine par un marmot qui met le chocolat dans le papier alu. Alors, quatrième question. Donc, on joue pour le livre d'Aguilar, L'art du sling. Top, je suis un humanoïde qui n'est pas aux originaires d'Azeroth. Véritable chat noir, là où je passe, j'amène la rune avec moi, malgré mes intentions pacifiques. Chassés de notre planète d'origine, puis anéantis par un peuple hostile, nous sommes arrivés en catastrophe sur Azeroth, non sans détruire la faune et la flore locale. Oui, Amandine ? Et Draenei. Joli. Les gens qui me croisent me confondent avec un pêcheur à cause du poulpe que je porte sur la tête ou certains m'appellent le schtroumpf bleu mais en bien plus grand. Bon, le dernier, les cadeaux. Alors, étant donné que c'est la dernière question, donc on va jouer pour deux cadeaux. Le premier, c'est le livre écrit par Kevin, Je First, donc je suis. Et un livre écrit par JP, un livre, donc c'est pour les grands enfants, c'est Bit Bit et le Coyote. Attention. Top, je suis un rat des champs marchant comme un humain. Je vis principalement dans les mines et je terrorise les jeunes joueurs. Amandine ? À Cobol. Non, c'est pas vrai. Mais je suis sûr que, je sais pas, t'as une connexion 30 mégas ou quoi. Les joueurs qui viennent me trouver pour la première fois, c'est pour me dépouiller de mes poussières d'or, aussi connu pour ma fameuse réplique. Non, et des bougies. Vous, pas prendre bougies. Voilà, bon, ben, je crois que c'est Amandine qui gagne la main, avec un petit Fanny pour Brock, hein. C'était terrible. Mais Merci, merci. Non, mais en fait, tu l'as donné quoi pour qu'il te donne les réponses, là? Non mais je remettrai mon titre en jeu plus tard. Pour l'instant j'ai gagné les 3 bouquins et vous êtes deck, c'est pas grave. J'aimerais juste qu'on applaudisse Amandine quand même, elle le mérite. Bravo Amandine. Bravo. En parenthèse, rire jaune. Voilà. Merci, merci pour votre participation. Alors, c'était bref. Non mais je suis pas fâché du tout, Amandine. Franchement, je suis GG quoi. Je suis pas fâché. je vais poser le casque deux secondes. Je vais m'égosiller un coup. Hein. Voilà. Merci, Circle. Il a besoin de se défouler, en fait. Bah, je crois qu'on est arrivé. Je vais vous laisser là, les amis. Je pense que je vais sauter de la voiture, même si elle est en marche. Raser sur le bord de la route. Absolument. Non, mais voilà, ça a été une belle aventure. Je suis désolé de ne pas vous accompagner jusqu'à la fin de l'épisode. Je pense que c'est bien aussi de. Enfin, la relève est assurée. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je me réjouis vraiment de l'arrivée de Circle. Amandine nous a fait vraiment plaisir en acceptant de nous rejoindre le mois passé. Ce coup-ci, c'est autour de Circle de nous rejoindre. C'est une super aventure. Qui vous attend, les amis, je pense. Moi, bah voilà, j'avais envie de me lancer dans de nouveaux projets, je vais le faire. Vous devriez entendre parler de moi bientôt, je pense. Enfin, entendre parler de moi. Entendre parler de mes prochains projets prochainement, j'espère. Voilà, je sais pas qui s'occupera de la partie Pierre de Foyer, je sais pas si des gens vont reprendre la partie histoire aussi, j'espère. Oui, c'est pas sûr, t'inquiète. Je sais que c'était une de mes grandes fiertés sur Wotaku, c'est que la partie Pierre de Foyer avait permis à pas mal de gens de s'exprimer sur leur création Woyen, si je puis dire. Et voilà, c'était important, je pense, de parler de toutes ces créations, tout ce qu'il y a autour de World of Warcraft, parce que c'est vrai que les raids, les add-ons, les trucs comme ça, c'est intéressant, mais dans 4 ans, qu'est-ce qu'il en restera? Pas grand-chose. Tandis que des textes écrits, des bandes dessinées qui ont été faites, des machinima, ça sera toujours là dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et je pense que c'est bien de commencer à les répertorier maintenant. Voilà. Bon, bah, ça a été une super aventure, comme je vous l'ai dit. Je sens que c'est mes derniers mots, qu'il va falloir que je raccroche bientôt. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous connaître. Ludo, t'es mon plus vieux compagnon là-dessus. Les deux autres sont des petits jeunes. Mais on s'en fout. Ouais. c'est mes gros bisous à toi, Ludo. Je me souviens de la première fois qu'on s'est parlé, comment on a lancé ce projet. Je voulais d'ailleurs parler de la malédiction, ne dites jamais. Je vais m'absenter le temps d'un épisode parce que vous ne reviendrez jamais, c'est comme dans les films d'horreur. Arik l'a fait, JP l'a fait, et on a vu ce qui est arrivé ensuite. Je voulais les saluer tous les deux aussi, JP et Arik, puisque je peux pas le faire en direct, puisqu'ils ne sont pas, ils sont pas là. Mais rappelez juste que c'était Arik qui avait choisi le nom de Wotaku. Que c'était JP qui disait le plus de gros mots et que on s'est vraiment éclaté pendant. Ça fait depuis novembre maintenant hein, qu'on connaît sur ce projet Ludo. Ouais, fin novembre on avait commencé, ouais. Ouais. C'est ça. C'est plein de bons souvenirs, plein de soirées à monter en caleçon sur ma chaise de bureau. Plein d'excellents souvenirs. Voilà. Et puis plein de superbes commentaires de la part des auditeurs, faut pas les oublier non plus. C'est eux aussi qui ont fait vivre ce projet. Mais bon. On espère que, enfin, comme JP, hein, si tu veux venir pour le temps d'une chronique ou faire un petit coucou quoi, de temps en temps, tu es toujours le bienvenu, Brock. Hein. Mm-hmm. Bon, en tout cas, je vous écouterai, c'est sûr. Surtout maintenant qu'il y a un accent suisse dans l'émission. voilà. Ça m'a. J'attends de voir ce que vous allez faire de la suite de ce 5e épisode et puis des épisodes 6, 7, 8. N'hésitez pas à recruter, n'hésitez pas à toujours amener du 109, c'est bien. Et puis, méfiez-vous des paladins. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, à très bientôt alors les gars, et puis merci à tous. Ben, au revoir Brock, ce fut un plaisir, plaisir partagé pendant ces 6 mois, un peu plus de 6 mois. Voilà, j'espère avoir tes nouvelles et à très bientôt. Ben, moi aussi, un gros bisou à Amandine, un gros bisou à Circle aussi. J'espère que. Et je m'offusque pas du fait que tu dis salut les gars. À la prochaine. Au revoir mesdames et messieurs, ça a été un plaisir en tout cas, et puis à bientôt alors. Salut Brock. Bisous. Ciao, ciao, Brock. Alors après la séquence émotion, c'est la séquence nostalgie. Et Circle va vous expliquer les anciens grades JCJ d'un temps où les dinosaures existaient encore. Pour ceux qui ont commencé WoW il y a plus de 3 ans, ou en tout cas au début, je vais faire ressortir des bons souvenirs. enfin, ou des moins bons, ça dépend les joueurs. Hein. Pour quelques joueurs plus récents, je vais simplement vous raconter pourquoi c'était mieux avant. Alors, je pense que c'est déjà arrivé à certains de croiser un gars qui avait un grade soldat ou chevalier ou plus et qui se disent mais il a obtenu où son grade, il sait quel haut fait, etc. Eh ben non, c'est pas un haut fait. En fait, c'est que simplement le joueur a fait du JCJ avant le patch 2.1, dit avant la tempête, qui a précédé Burning Crusade. Le système était différent et les champs de bataille aussi. Parce que on va dire que le niveau en JCJ était défini en grade, qui eux étaient obtenus en accumulant des points de contribution, eux-mêmes obtenus en accumulant des points d'honneur en champ de bataille. Jusque-là, vous suivez, si vous suivez pas, tant pis pour vous. Alors, ça ressemble un peu à maintenant, sauf qu'on échangeait pas des points directement contre l'équipement. Ça nous faisait monter en grade, en fait, ce qui nous permettait d'acquérir cet équipement ensuite. Des grades, il y en avait 14 à chaque niveau. Des pièces, des accès et des rabais réparations étaient accessibles suivant les paliers de grades. La liste complète des grades, je pense que vous pouvez la trouver un peu partout sur le site de World of Warcraft. À la rigueur, je mettrai sur le forum la liste et l'explicatif. Et vous pouvez la trouver, en fait, si vous allez dans les casernes d'officiers de chaque faction, il y a un bouquin, en fait, qui est posé sur, par exemple, dans l'Alliance, parce que je ne sais pas où c'est chez la Horde, qui est posé sur la table où il y a tous les officiers qui sont là-bas. Et si vous le feuilletez, vous avez les grades, en fait, la liste des grades. Donc, si tout simple, vous pouvez le choper en jeu. Alors, en fait, les paliers importants, ça commençait au grade 6, qui était chevalier pour l'Alliance et garde de pierre pour la Horde. Ce grade donnait accès à la caserne des officiers, qui maintenant est accessible de toute façon, par exemple, dans la vieille ville de Hurlevent, au SI7. Et en fait, ce grade permettait déjà d'acheter un tabard d'officier et des potions utilisables en champ de bataille, parce que les autres potions n'étaient pas utilisables. Ce grade signifiait aussi qu'on était un officier et non plus un soldat. Ensuite, il y avait le deuxième palier, qui était le grade 10, donc commandant pour l'Alliance et lieutenant général pour la Horde, beaucoup plus difficile à obtenir, hein, je vous expliquerai pourquoi. Une fois que vous aviez le grade 10, vous aviez accès à tout le set supérieur JCJ, donc, et ça signifiait que vous étiez entré dans le cercle des officiers supérieurs, qui étaient déjà beaucoup moins fréquentés, on va dire. Donc le set JCJ supérieur, pour certaines classes, était très moche. Donc moi étant chasseur, ceux qui voyaient des chasseurs d'Alliance en stuff tout vert, feuilles, se balader, ben au moins c'était fashion. C'était très moche, mais ça voulait dire qu'on avait pu l'obtenir, ce qui n'était pas rien. C'était bien voyant. Donc ensuite commençait la très très dure ascension du grade 10 au grade 14, l'ultime grade. Chacun de ces grades donnait accès à une monture épique qui coûtait 10% du prix normal des montures à cette époque, qui était cher pour l'époque, parce que maintenant on a tout de suite beaucoup plus de PO. Et ensuite à l'équipement épique de JCJ, donc un très très bon set dont certaines pièces valaient, je pense, sans rougir à un T2 du repère de l'aile noire. Pour ceux qui y sont allés, on voyait souvent des joueurs qui avaient du 7T2, qui avaient eu les épaulières T2 par exemple, et qui les avaient remplacées par les épaulières du 7 JCJ épique. Une fois le grade 14 atteint, et d'après Blibli, je crois qu'il y avait seulement 0,1% des joueurs de chaque serveur qui arrivaient. On était inconnaissable chez l'Alliance. Ouais, je te jure que ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si t'en croises un, tu respectes. Hein. Tu respectes, tu fais slash incline, slash clap, tout ça, slash lèche, genre un leak. D'accord. Enfin bon. Et grand seigneur de guerre chez la Horde. Et on était le seul à avoir accès aux armes et aux boucliers épiques. Et qui étaient, pareil, des très très, bons, des très, très bonnes pièces d'équipement. Et donc, après, le système d'acquisition des grades a été stoppé pour faire place au système d'échange de points directs, des points d'honneur, contre l'équipement. Bon, ça s'est fait non sans mal. Je vous expliquerai pourquoi. Depuis, en fait, ceux qui sont montés en grade peuvent afficher leur plus haut grade atteint. C'est-à-dire, au lieu de mettre Jenkins ou des trucs comme ça, ben, on peut mettre un grade soldat, sergent. T'es quoi toi, Amandine, déjà? Attends, que je me souvienne, caporal. Caporal, GG. Et toi, Ludo? Moi, je ne suis rien, je suis qu'un simple troufion, je suis un soldat. Ouais, soldat, mais soldat, c'est bien. T'as dû jouer une semaine, je crois. Enfin, ouais, je vais faire un meurtre, je crois, et c'est tout. T'as un horde niveau 10 qui se baladait. Enfin, t'as fait tuer un lapin en JCJ, ouais. Et après, je me suis fait super bambi. Mais... ouais, mais c'est ça, un petit début, ben, en fait, ouais, on a tenu très vite les grades de soldat. Hein. Enfin bon, Mais des fois, on croise maintenant un mec qui a un connétable, chevalier lieutenant, grand maréchal, ou même, enfin voilà, de chez l'Alliance, ou grand seigneur de guerre, enfin tous ces grades-là. Comme je dis, hein, respectez-le, parce que c'était un no-life. Alors, en fait, comme j'ai dit avant, il y avait tout un système de calcul qui était super complexe, donc je vous ferai grâce, parce que franchement, j'ai... vous, autant que moi, vous n'aurez pas envie de l'entendre. C'est immonde, système de calcul, de points, etc. Enfin, le fait est que les points se gagnaient par rapport à notre niveau, à notre grade, au grade de l'adversaire qu'on tuait. Ça, c'est pour les victoires honorables, et par rapport au nombre de champs de bataille gagnés. Bon, ça, maintenant, c'est au nombre de champs de bataille gagnés. Et ensuite, il y a aussi, suivant ce qu'on fait par rapport aux prises de drapeaux, etc. Mais c'était avant, il y avait tout qui était pris en compte, le niveau de l'adversaire, combien de fois on le tuait, enfin, etc. Tout ça, ça rapportait à un joueur un total de points d'honneur qui était changé en points de contribution à la faction toutes les semaines. En gros... je vais vous passer les calculs, mais vous aviez 160 000 points d'honneur, ça faisait 8 500 points de contribution, voilà, pour ceux qui se souviennent. Et fallait faire quelques alteracs, un peu plus d'arati, et les arati c'était conseillé quand on était en équipe, parce que c'était plus facile de gagner en s'entendant pour les points. C'est toujours le cas d'ailleurs. Et ça restait constant tous les jours, fallait jouer tous les jours 3, 4, voire 5 alterac si c'était possible, parce qu'il y avait un temps d'attente qui est devenu phénoménal, ou alors faire des alterac très longs, où ça se bastonnait pendant des heures, pour pouvoir engranger le plus de VH, le plus de points d'honneur. Et en fait, un joueur en jouant comme ça, il arrivait au grade 7 ou 8 en à peu près 2 mois et demi. Donc... on voit le temps, hein. C'est pas comme maintenant où pour avoir un équipement complet, on fait du champ de bataille pendant 2 semaines et puis c'est réglé. Non, c'était t'étais obligé de faire plus de 2 mois, etc. Et t'étais même pas au bout, hein. T'étais 7 grades, 7 ou 8. Donc t'avais même pas l'équipement supérieur. Voilà, sans compter qu'il y avait tout le PVE à côté. Et ensuite, pour passer à partir du grade 8 environ, pour passer au grade 10, il fallait environ doubler le temps de jeu. En BG, et pour le reste des grades, c'est-à-dire du grade 10 au grade 14, je pense qu'il fallait jouer comme je disais, 18 heures par jour, quoi. C'était n'importe quoi. Il fallait être un pur no-life, faire tout le temps du BG. Enfin, pourquoi il fallait faire sans s'arrêter? Parce que si on s'arrêtait, on redescendait en grade. Parce qu'il y avait un malus. Donc, voilà, donc le truc, c'est que t'es content, t'es... C'était n'importe quoi, parce que t'arrivais difficilement à devenir, je sais pas moi, chevalier lieutenant, t'étais tout fier, tu te barrais 2 semaines en vacances à Acapulco, tu revenais, t'étais sergent, quoi. Donc c'était au début, ça redescendait très très vite, c'était horrible, et en fait beaucoup de joueurs ont chialé, comme d'habitude, quand ça va pas on se plaint, etc. Ouais, bon, en même temps là c'est quand même justifié, hein, on va voilà dire. Ouais, c'était justifié, parce que là ça a été changé, ça redescendait mais beaucoup moins vite. Parce qu'au départ, on descendait clairement beaucoup plus vite qu'on montait quand même. En fait, c'était vite fait. Même en jouant tous les jours, simplement le fait que quand t'allais simplement avoir ta vie, dormir, bosser ou quoi, tu gagnais en une semaine, comme j'ai dit, environ 8500 points de contribution, t'en perdais 1700-1500. Donc c'était une horreur, parce que t'étais sûr que t'allais gagner que 75% ou 70%, je l'ai dit ça pour les Français, hein, parce que non, j'aurais dit 75%. Enfin, tu gagnais que 75% de ce que tu faisais, quoi. C'est super chiant. C'est comme un impôt. C'était comme un impôt prélevé à la source. Voilà. C'était du no-lifing, hein. C'était horrible. Alors, mais enfin, maintenant que je vous raconte tout ça, vous allez me dire. Pourquoi c'était mieux avant? Parce que là, ce que je vous raconte, c'est juste horreur, quoi. C'est ignoble. Ouais, côté PVP, ouais. Voilà, c'était en fait. Juste, si on s'arrête qu'à ça, c'était ignoble. Franchement, c'était juste taper sur du Horde ou de l'Allianceux non-stop. Et c'était super chiant, parce qu'en plus, il n'y avait que trois champs de bataille. Voilà, et souvent, on enchaînait que le même, en fait. On préférait aller que Alterac, ou quand on était en équipe, on allait que faire du Arati ou du Goulet à la rigueur. Et en fait, pourquoi c'était mieux avant? Parce que le fait de jouer bien plus souvent sur ces champs de bataille, de ne pas avoir de renfort alterac par exemple, tout ça s'aboutissait à faire des batailles épiques. franchement, c'était, comme je l'ai dit avant, ça pouvait faire durer plusieurs heures, voire des fois, genre, quasiment des demi-journées. Quand je parle de demi-journées, c'est que ça pouvait durer 10 heures, 12 heures, c'est des trucs de fou. Je me souviens d'être rentré dans des goulets en croyant que j'allais avoir une heure de rab avant d'aller en cours et d'avoir séché un cours pour finir un cours, quand même. Ah ouais, voilà. Toi, tu sèches le cours carrément. Alors, je sais pas pour vous dire, oui, mais moi aussi, je me suis fait porter malade un jour parce que j'avais commencé un BG milieu de la nuit et que j'ai vu que c'était loin d'être fini. J'ai appelé mon boss le matin en disant « Patron, je suis malade !» Alors que derrière, on entendait « Tout, tout !» Genre « Ah, il faut aller prendre ce fort-là, etc. » C'était, voilà, le no-life, quoi. C'est pas bon. Ne faites pas les no-life, les gens. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que ce système-là était bien, mais pas bien en même temps. Voilà, et en fait, justement, mais c'était génial. Je me souviens de j'ai des screenshots où on nous voit avec des hordeux. Je suis allé en CE, on nous voyait quand on allait, on était limite RP alors qu'on n'était pas sur des serveurs RP. Ou quand on allait manger, on avait un endroit où on se posait, genre la dead zone, la zone des absents. La cantine. Là où tout le monde se pose. On va faire prendre un brunch. Non, mais c'était ça. Vu qu'il y avait pas de l'absence en fait, dès qu'on passait en absence, on faisait pas kicker, on pouvait rester ABS, il y avait pas de problème. Et on se mettait, il y en avait un qui faisait un feu ou quoi, on se mettait autour, on faisait ABS comme ça. Genre on mange, on va manger dans le BG, on mange aussi. Alliance commencée. Voilà, on se posait, on se tapait pas dessus, on se posait comme ça dans un endroit. Ouais, à mon avis, il y en avait toujours un qui devait passer par là et faire un carnage. Ouais, ça arrivait, mais lui derrière, il se faisait ratatiner derrière pendant environ les 5 heures du BG restant. Voilà, donc fallait pas jouer au con. On jouait pour jouer. On était arrivé à être quasiment obligé. Franchement, on y prenait plaisir à jouer. Pour trouver un intérêt, donc jouer pour jouer, dans les mêmes 3 champs de bataille pendant des semaines, etc. Et franchement, pour ma part, enfin, je fais mon petit fier, quand tu te trimbales avec un titre de grand maréchal au milieu d'une ville, tu pouvais t'appéter, parce que les mecs ils disaient « Ah oui, c'est un no-life, il a pas de vie, il a pas de femme, il a pas de boulot !» Et moi, j'étais fier de ça. Et t'es content. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de quoi se la péter. Regarde, j'ai pas de femme, j'ai pas de boulot, mais je suis grand connétable. Derrière, je traînais l'intraveineuse de café, tu sais, avec la seringue dans le derrière, tu sais, voilà. En fait, il se promenait 5 minutes par jour et il allait se coucher ensuite. Voilà, j'allais vite me promener dehors. Et est-ce que tes parents, ils te sortaient en même temps que le chien? Voilà, j'allais faire mon petit pipi, ma petite commission, et je revenais jouer. Tu sais, on me harnachait à mon fauteuil, c'était horrible. Mais c'est pas grave. Parce que j'étais grand connétable. Parle-moi mieux. Non, c'était chiant, j'étais grand maréchal, là. Merde. Ah oui, pardon. J'ai arrêté, j'ai fait une pause de haut, quoi, juste avant, quoi. J'en pouvais plus, puis bon, on va dire que ma concubine n'en pouvait plus non plus, donc voilà. Enfin bon, tout ça pour dire, voilà, on en arrivait là, et franchement, pour peser le pour et le contre, simplement quand on était dans une optique de jeu à fond, comme moi, enfin hardcore gamer ou quoi, à ce moment-là, on faisait vite le pour et le contre, c'était vite pesé. C'était le jeu était tellement prenant, on était fous furieux, quoi, tout le temps les mêmes à aller dans les champs de bataille, c'était énorme. Et en fait, et tout ça, ça a changé avec le patch 2.1, donc 0.1. Enfin, c'est les changements majeurs, parce qu'il y a eu des petits changements avant aussi. Mais on va dire que le changement majeur, c'était l'échange de points d'honneur contre de l'équipement directement. Les grades sont devenus donc juste des grades honorifiques. Et ça, en fait, ils ont fait au début, pendant une semaine, je crois, ça a duré une semaine ou 10 jours, une grosse erreur de jugement par rapport à leur ancien calcul d'obtention de points. Ah oui. Ouais, je pense que ça, il y en a qui doivent s'en souvenir, parce que c'était énorme. En fait, tu faisais. Je vois des gars qui, pendant 3 jours, ils avaient fait pareil les no-life, et en fait, ils avaient pu se faire quasiment les 3/4 du set épique, en fait, voire tout. Parce qu'ils avaient eu tellement de points et l'échange des points était tellement pas cher que ils arrivaient avec tous leurs points, ils avaient pu prendre 3 pièces parce que c'était super pas cher, ça coûtait ça coûtait rien du tout, quoi. Et voilà, puis en fait tu croisais un mec qui était stop de la chouette tout vert, qui avait des bottes vertes genre la cape grise et qui se trimbalait avec les épaulières épiques toutes brillantes et tout. Ça a été le bordel, quoi. Et ceux qui n'ont vraiment pas été contents, c'est nous qui avions joué comme des tarés. Et on voyait que des gars qui jouaient, qui n'avaient pas joué, qui étaient stuff vert et qui avaient réussi à avoir notre stuff super facilement, la même chose que nous, quoi. Bah, c'est là en fait où tu te dis, bon, bah, je vais arrêter de jouer, hein, je vais aller jouer à Dofus. Avec la bave qui colle. Voilà. Exactement. Enfin, ça a conduit à ce que, et je pense que c'est là où ça a commencé, où WoW commençait à devenir orienté facilité et satisfaction de la masse, en fait. Oui, ça va un peu fort, je trouve, mais c'est vrai que pour un casual, le JCJ, ça n'avait absolument aucun intérêt, puisque tu ne pouvais rien nulle part. Voilà, tu faisais du JCJ comme ça pour tester, peut-être pour avoir un petit grade, mais si tu étais à casual, jamais tu pouvais espérer monter plus haut que le grade 8, ça c'est clair. Mais donc, c'est le moment où ils se sont intéressés à autre chose que les chômeurs et les étudiants en vacances, on va dire. Ouais, mais non, quoi, mais j'étais même chômeur en plus, hein. Moi je vous dis. Oui, mais forcément, tu te faisais porter malade. Donc, voilà, exactement, je suis resté en dépression pendant 3 ans, enfin bon. Et en fait, non, mais c'est vrai que ça a été un peu la satisfaction de la masse, parce que quand je dis la masse, ben tous les autres, parce que les hardcore gamers, il n'y en avait pas 80%, hein. c'était 20% de la communauté de WoW qui jouait à fond. Alors, prochain épisode, le débat, quand est-ce que WoW a fini par tourner casu? Oui, c'est, moi je dis que c'est là, personnellement, hein, je dis que c'est là que ça, la refonte totale du JCJ en fait. Quand le travail a repris en France. C'est là, c'était le plan de relance de qui vous savez. Voilà, c'était ça. Donc après ça, il y a eu les arènes qui sont venues s'implanter. Le dernier changement effectué dans le bon sens, on va dire, enfin, à mon avis, ça a été celui de ne plus faire une estimation foireuse des points à la semaine. Je crois qu'Amandine, tu m'en avais parlé. Je me souviens très bien d'une fois où, même avec calcul de rendement décroissant, on m'avait promis 5000, j'ai eu 3200, j'étais ravie. Donc en fait, il y a vraiment des expériences très très pourries où t'arrivais avec ton truc, t'allais voir tes points, t'agardais et en fait il te manquait 30 points pour avoir ta pièce et tu savais que t'allais devoir attendre une semaine comme un con pour avoir ta pièce quoi et c'était chiant. Donc ils ont changé ça. De compenser à cette époque, je me souviens que j'essayais de faire plus que les points que j'aurais dû avoir histoire d'être sûr d'avoir de la marge, mais t'avais quand même pas de marge à l'arrivée. Voilà, donc ça même malgré tout, ça poussait quand même à jouer trop. Donc en fait, ils s'étaient foirés. Donc ils ont changé, ça a conduit au changement en fait de pour le désir matériel des joueurs. Ils ont ça a pris le dessus complètement. Et les points étaient comptabilisés instantanément, enfin, maintenant c'est comme ça en fait, et on peut aller les échanger tout de suite, donc c'est vraiment du troc direct, on va dire. Une chose aussi que je noterais par rapport à avant, c'est que les sets d'armure, si vous voulez aller vérifier, que ce soit sur le site ou sur la cabine d'essayage habituelle, c'est que les sets JCJ d'armure étaient différents entre la Horde et l'Alliance. C'était quelque chose, je trouve, ça donnait un côté plus identitaire au niveau des factions. On pouvait trouver joli ou pas certains, mais je trouve que c'était sympa. C'est vrai qu'actuellement, ben, les arènes ont augmenté le niveau de jeu JCJ, parce que c'est vrai que pour être coté vraiment haut dans une arène, il faut être très bon, faut bien maîtriser, etc. Mais je trouve dommage que de délaisser les champs de bataille. Donc bon, ils pensent d'ailleurs réimplanter les grades JCJ. Tout ce que je leur demandais, c'est de ne pas rendre si facile d'accès les grades. C'est par respect pour les pauvres ex-no-life comme moi, qui ont mis des semaines et des semaines à casser de l'ennemi pour obtenir leur beau grade tout rutilant. Voilà, donc ben, j'espère avoir évoqué de bons souvenirs pour certains et avoir un petit peu appris quelque chose sur l'ancien temps de WoW au nouveau. À vous les studios. Ce mois-ci, on va créer une nouvelle chronique, en fait. On va faire la jonction entre la chronique add-on et la chronique raid au niveau. Et on va l'appeler raid-on. C'est nul. Voilà, c'est entre raid et add-on. Et add-on. Donc Amandine, je t'en prie, à toi l'honneur, pour la chronique raid-on, ensemble. Pour notre première chronique raid-on, je vais vous parler des sites et des add-ons qui rendent la gestion des raids plus facile. Donc je vais vous parler les plus pratiques et les plus fréquentés. Parce que maintenant, dans World of Warcraft, on a Groupe Calendar qui a été implémenté et qui est bien pour gérer les raids et pour inviter les gens en jeu. Mais bon, non seulement ils ne peuvent pas s'inscrire quand ils sont hors jeu, mais en plus, il n'y a aucune précision de spécialisation et on ne sait pas non plus si les gens sont invités avec un ou deux rerolls. Il n'y a aucune notification à ce propos. Les sites dont je vais vous parler permettent d'organiser des événements comme les sorties RP, les sorties PVP, les instances à 5, 10, 25, et aussi de gérer des équipes de raid du genre Ulduar 1, Ulduar 2. Le premier site dont je vais vous parler, c'est Raidar. Il a une interface assez claire, mais bon, c'est en anglais. On peut normalement choisir français, mais la traduction est assez approximative. Enfin, c'est quand même assez intuitif, c'est bien présenté, c'est aéré. D'après votre personnage, vous pouvez directement faire un lien armurerie. Et inversement, si vous cliquez sur les personnages des autres, vous avez aussi leurs fiches. Vous pouvez aussi, quand vous créez un raid, définir les besoins. Donc c'est très très simple. Une fois que vous créez un raid, de toute façon, vous mettez la date, vous mettez le nombre de personnes, si c'est en guilde, ou si vous pouvez inviter aussi des gens du serveur, si c'est une sortie ouverte à toute inscription. Et vous pouvez aussi définir les besoins. Par exemple, tant de tanks, tant de soigneurs, tant de DPS distance ou de DPS corps à corps, ou alors tant de DPS globaux. Par exemple, vous mettez 5 DPS, peu importe si ce sont des DPS cast ou des DPS corps à corps. Par contre, vous pouvez aussi faire des raids inter-guild, c'est-à-dire décider que telle guild peut aussi participer avec vous, mais que ça reste fermé au reste des gens du serveur. Mais ça ne gère pas la double OSP, c'est le seul problème majeur du site. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire avec un personnage, mais une seule fois. Et vous ne pouvez pas préciser si, par exemple, vous pouvez aussi venir s'il y a trop de soigneurs, par exemple, en DPS. Et aussi, vous pouvez vous inscrire, par contre, si vous avez 3 rerolls, vous pouvez vous inscrire avec les 3. Donc, ce qui est assez embêtant, c'est que si les gens ne savent pas que c'est votre reroll, parce que c'est quand même pas très clair, en plus, si aucun de vos rerolls n'est kické, c'est-à-dire que le raid leader ne choisit pas, jusqu'au dernier moment, vous ne saurez pas si vous partez avec celui-ci ou celui-là, et vous prendrez peut-être la place de quelqu'un qui aurait pu s'inscrire. Donc si, admettons, si t'as 10 persos 80, donc rien que tout en compte, tu peux prendre 10 places en fait, c'est ça? J'ai un raid à toi tout seul, voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Alors le second s'appelle WoRM, c'est l'abréviation de WoW Raid Management. Alors lui, il permet de gérer les raids, il est beaucoup plus complet, par contre, il me semble qu'il ne peut pas gérer les sorties RP ou PVP. Lui, il est complètement en français, il a été créé en français. Il permet aussi de créer, par rapport à Raidar, une fois que vous avez un event, de choisir tous les gens du serveur que vous voulez ajouter, c'est-à-dire parmi une liste de tous les gens de votre serveur qui sont inscrits sur le site. Donc ça permet aussi de savoir si votre serveur est très fréquenté sur WoRM. Et il a également beaucoup de petites particularités qui sont assez intéressantes, comme par exemple un historique des présences, qui permet, une fois que le raid est fermé, de considérer que le raid donc a été validé. Il le garde en historique, et comme ça, vous pouvez vérifier si machin ou machin sont venus souvent en raid ou s'ils sont souvent absents. Ah, ça, c'est bien. Oui, c'est très très bien. J'ai trouvé ça très bien pensé. Ça gère l'attribution des loots également, puisque non seulement vous avez l'historique des présences, mais en plus, bon, ça par contre, ça implique de jouer et en même temps de surveiller le site une fois que les loots tombent. Parce qu'il a une liste déroulante des loots de l'instance que vous pouvez attribuer aux membres de votre raid. Oula, ça intéresse à être à jour ce truc, hein. Exactement. Donc le problème, c'est que d'après ce que j'ai vu, pour l'instant, Ulduar n'est pas encore implémenté, la liste est vide. Mais par contre, il gère déjà Sartarion et Naxxramas. Même en 25. Quelle chance! Mais la chance, entre guillemets, c'est-à-dire que les raids 25 Naxxramas sont encore assez courus. Donc il y a tous les loots et que... Par rapport aux gens qui, par exemple, notent sur des post-it machin eu ça, ensuite, quand ils veulent faire la différence pour les gens qui ont eu du T7, ceux qui ont un loot normaux, ceux qui ont la clé de Maligos, etc., directement sur le site, on coche clé de Maligos étalée à machin, et ensuite, ils le gardent aussi dans l'historique. Et si, admettons, il n'y a pas un objet, tu peux le rajouter toi ou pas? Oui, on peut le mettre soi-même. On peut l'écrire sur le site, mais ça ne rentre pas dans la liste. Mais je pense qu'il a bien, mis tous les... Parce que sur chaque boss qu'on choisit, il y a une très longue liste de loot. D'accord. Donc pour Naxxramas et Sartarion, c'est très bien fait. Par contre, il n'a pas encore mis le lieu, alors qu'on est bientôt à la 3.2, mais enfin, voilà. Ça va peut-être arriver. Sinon, il y a aussi l'historique des boss qui ont été tombés par le raid, et la progression globale du raid, donc c'est quand même vachement bien fait, et il y a aussi la gestion des DKP sur le site. Alors, pour expliquer en gros à ceux qui connaissent pas le DKP, c'est un système de points qu'on attribue à chaque participation à un raid et à chaque down d'un boss. Donc, à chaque objet qui est tombé, on fixe un prix en DKP, et ceux qui le veulent doivent s'acquitter des DKP, et si plusieurs personnes le veulent, elles enchérissent avec les DKP. Donc celui qui gagne l'objet déduit la valeur du total de points qu'il avait déjà, et ensuite c'est reparti pour le suivant. etc. Donc il y a du pour et du contre pour ce système. Là, on ne va pas débattre sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais en tout cas, pour ceux qui utilisent le DKP, ORM gère ça très très bien. Dans la liste de loot, comme dans les fiches de personnages et dans l'historique des présences, on peut voir qui a tant de DKP, qui a eu quoi, etc. et gérer les dépenses de DKP qui sont faites. Le dernier site dont je vous parle, ça c'est ce que j'appellerais un plugin, je ne sais pas comment ça s'appelle dans le langage informatique, mais c'est un site web que vous pouvez joindre à un site déjà existant ou un forum. Donc c'est une partie à côté, on va dire, qui s'appelle WoWred Manager, que vous pouvez par exemple installer sur votre site de guild, sur le même système que le roster. Et donc, à ne pas confondre avec WoRM dont j'ai parlé précédemment, WoRM c'est WoRed Management, et là c'est WoRed Manager. Je suppose qu'ils ont fait plus ou moins exprès, mais c'est pas très très pratique. Ouais, c'est clair. Donc l'installation c'est très simple, hein. Ludo m'a montré comment on fait, grosso modo vous téléchargez les fichiers, vous installez sur votre hébergement, et puis hop, c'est parti. Alors c'est très très bien fait, c'est à la fois simple et pointu, il y a plusieurs langues disponibles, à la création de raids et de sorties, on peut choisir soi-même de combien de temps qu'on a besoin, de combien de soigneurs, de combien de DPS, on peut même créer ses propres catégories directement dans le site, alors que Redar le gérait lui-même. Bien sûr, il y a des réglages assez pointus qui sont moins évidents pour ceux qui débutent, mais pour gérer un raid de guild, c'est extrêmement bien fait, c'est très très intuitif, c'est très simple. Ensuite, vous pouvez pousser beaucoup plus loin si vous voulez faire vraiment votre raid avec votre petit groupe. Genre, vous avez le raid 1, le raid 2, etc. Vous pouvez gérer des sorties extrêmement pointues. Vous pouvez gérer des raids, des sorties 5, 10, 25, des sorties RP, des sorties PVP. C'est très très bien fait. Là aussi, vous avez le lien armurerie directement depuis votre personnage. Vous n'avez aucune configuration à faire. Dès que vous entrez votre serveur et le nom de votre personnage, il le trouve tout seul. Il gère également les sorties interguild. Oui, je trouve ça très très bien aussi. Puis en plus, ça permet, quand vous avez une double spé, d'aller voir directement sur votre fiche armurique quelle est votre spé principale du moment. Il y a également le système de rôle. Mais alors là, par contre, c'est très bien fait. C'est que quand vous vous inscrivez avec votre spé principale, il vous met directement dans le rôle qui lui est alloué. Sinon, le raid leader peut refuser que vous soyez dans cette spé. À ce moment-là, vous êtes en liste d'attente. Et si vous changez de spé, vous passez à la suivante. Vous pouvez revenir dans le raid avec la particularité de votre seconde SP. Il gère très bien la double SP et il évite que quelqu'un qui est DPS s'inscrive en tank par erreur. Il y a également un bon gros calendrier de raid. C'est-à-dire que vous pouvez programmer un truc pour tous les jours et il le gère extrêmement bien avec des rappels, etc. Lui aussi, on peut s'inscrire avec un reroll, mais par contre, il met un petit point d'exclamation qui indique que vous êtes inscrit avec deux personnages et que l'un des deux ne pourra pas venir. Tiens, ça c'est bien. Voilà, donc à la différence de Redar, il met bien une indication comme quoi c'est un reroll et que les deux ne pourront pas venir. D'accord. Donc tu peux pas faire ton petit raid tout seul à 10 personnes, comme tout à l'heure. Voilà, là on peut pas faire le raid tout seul et le raid leader a beaucoup de possibilités sur le site pour gérer les spécialisations des gens, les listes d'attente et les doubles spécialisations. Et sinon, le dernier dont je vais vous parler, c'est un add-on et pas un site. Et alors lui, c'est un peu particulier, mais c'est un coup de cœur. Je l'ai trouvé en allant sur Curse. Ça s'appelle Headcount. Comment ? Et alors lui, c'est un Headcount. Il compte de tête, en fait. D'accord. Et j'ai trouvé ça parce que dans ma guide, on avait plutôt d'assez gros problèmes de présence et de gestion de loot. C'est-à-dire que des gens qui venaient souvent avaient parfois moins d'objets que les autres, ce qui n'est pas juste du tout. Mais on s'est dit qu'un problème, qu'une gestion à la base de DKP, ce serait pas top non plus. Et je suis tombée sur Headcount, en fait, sur Curse. Et alors lui, il est vraiment tip-top. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous n'avez pas grand-chose à faire. Il se déclenche à chaque fois que vous passez en mode raid. Il compte le nombre de personnes qui sont présentes. Il compte leur temps de présence. Le nombre de fois où ils ont été absents, s'ils étaient présents quand le boss est mort. Donc par exemple, quelqu'un qui est mort et qui a libéré pendant un boss, Headcount le sait aussi. Il enregistre automatiquement les noms, les loot reçus. Il gère également les DKP. On peut lui dire pour cet objet, telle valeur de DKP. Il dit à chaque fois qu'on alloue un raid à quelqu'un, il y a écrit dans Headcount, tel objet a été alloué à telle personne à telle heure pour tant de DKP, si vous jouez avec des DKP. Ouais. Et en plus, une fois qu'on va, par exemple, je clique là-dessus, ça me permet de dire que, par exemple, cet objet a été désenchanté, ou alors a été donné au raid leader pour qu'il le mette en banque de guild, ou alors qu'il a été donné à ce personnage pour sa seconde spécialisation. Putain, c'est terrible ce truc. C'est sympa ça. Mais est-ce que tu as un moyen d'exporter les données en fait ? Exactement. Il y a aussi un moyen. On peut exporter les données, il me semble, en HTML ou en texte. Et en plus, il a une excellente mémoire chronologique, c'est-à-dire qu'une fois que le raid est fini, dès qu'on n'est plus en mode raid ou dès qu'on se déconnecte, il considère que le raid est terminé, il le garde en archive avec la date, et à chaque fois que vous repasserez en mode raid, il recréera un nouveau raid, en plus avec le nom de l'instance dans laquelle vous êtes. Putain, génial ce donc, truc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, moi pour l'instant j'ai un affichage des 7 dernières sorties, et je peux vérifier pour les 7 dernières sorties si machin ou machine était là, s'il était là, et est-ce qu'il a reçu beaucoup de loot, est-ce qu'il a rien reçu, est-ce qu'on a désenchanté ça, etc. Alors maintenant, vraiment, avant je m'embêtais avec des systèmes de tableurs, etc. Et pour la gestion des loots, maintenant Headcount, on va dire, fait tout, quoi. On n'a plus qu'à aller vérifier si la dernière fois il n'y en a pas eu beaucoup, et puis ça passe tout seul. Ouais, c'est vrai que je vois le bon côté pour l'attribution des loots, parce que c'est chiant à chaque fois de marquer sur un petit papier, alors telle personne a eu tel loot à tel moment, sur tel boss et tout. Moi quand je faisais ça en raid, c'est très lourd en fait à gérer, limite à la fin, au bout de deux raids t'en as marre quoi. Ah exactement, au début avec les officiers on en était au petit papier, puis on s'est rendu compte qu'au petit papier c'était pas pratique, donc on a fait des tableaux. Ensuite, quand on a fait des tableaux, on s'est aperçu qu'il fallait faire une différence entre ceux qui ont reçu une clé, ceux qui ont reçu un sac de butin, ceux qui ont reçu par exemple le sac de Sartarion, ceux qui ont reçu une partie du T7 ou du T8, donc ça devient plus gérable puisque les gens considèrent qu'avoir le T8 et avoir du R7, ça n'est pas pareil. Alors au moins Headcount, il se rappelle exactement qui a eu quel objet, donc on n'a aucun souci, il suffit de noter par exemple ailleurs que machin il a eu 5 objets, ensuite on va sur Headcount, on voit lesquels c'est, et là vous n'avez plus aucun problème de ouin ouin, attention, lui il a déjà eu son T7, on peut dire non, lui il l'a pas eu, ou en tout cas c'était pas avec nous. Donc en gros, ta donne serait bien de le coupler avec justement un des sites que t'as parlé tout à l'heure, un des trois sites. Sauf le deuxième où il fait déjà les loots lui. Enfin, pourquoi quoi, le deuxième il est juste... Il permet éventuellement oui, de gérer les DKP, mais ça n'empêche pas d'utiliser Headcount à côté. Mais effectivement, pour l'instant, nous c'est ce qu'on fait, on utilise un des précités et Headcount, et c'est depuis, et c'est très très simple, d'autant plus que Headcount permet de le faire en jeu, donc on n'a pas besoin de faire un retour Windows ou de revenir au bureau sur Mac pour noter dans son tableur, etc. D'accord, ouais, ça, c'est terrible. Tu connaissais ça, ouais. Circle ? Non, écoute, pas du tout. On avait utilisé, je crois, un programme pas aussi complet, mais un programme similaire au niveau des... pour les DKP uniquement, c'est-à-dire qui était là ou pas par rapport au loot, mais pas une organisation chronologique complète. Mais en plus, il fallait exporter ouais, à chaque fois les fichiers LUA, donc les fichiers, les fichiers .LUA, comme pour l'ancien Guild Roster qui avait... il y a quelques temps. Par contre, j'ai une question. Cet addon-là, moi, il me semble sympa, mais c'est juste comme ça. Suivant si celui qui s'occupe de ça n'a pas forcément une bécane bien, bien puissante, est-ce que ça prend beaucoup en mémoire ? Parce que ça a l'air quand même de tourner. Hein. Ça a l'air d'être assez lourd au niveau de toute la gestion. Alors, voilà, justement. Bah, et c'est pas très, très lourd. C'est pas plus lourd que n'importe quel autre addon qu'on utilise, comme par exemple Omen ou Recount. Mais par contre, j'ai eu une fois une déconnexion sauvage, et là il a oublié le raid en cours. Donc par contre, ce que je conseille, c'est forcément, si vous avez une bécane un peu lente, si vous avez des problèmes de connexion, il faudrait dans l'idéal que 2 voire 3 officiers de la guilde aient headcount. D'accord. Ou un backup quoi. Ou un backup. Ou alors que vous notiez à côté pour être sûr, parce que sinon si vous comptez à 100% sur headcount et que vous avez une déconnexion violente, vous oublierez complètement qui a eu quoi avant votre déconnexion, et là pour l'attribution de tout, ça va pleurer. Et pour enregistrer tout ça, justement, est-ce qu'il faut être obligatoirement un raid leader, un assistant, ou n'importe quel membre du raid, ça marche ? N'importe quel membre du raid. Il se déclenche dès qu'on entre en mode raid et il enregistre tout. Bon, ben, limite, alors c'est bon, tu fais lancer aux personnes qui ont les machines les plus puissantes, après ils envoient les fichiers au raid leader et après ils se débrouillent. Exactement. La dernière fois, j'avais oublié que j'avais headcount parce que j'organisais pas, j'ai participé à un raid 25 et il m'a absolument tout gardé en mémoire. J'ai même pu le ressortir à un moment quand on me demandait qui c'est qui a eu quoi. C'est vraiment très très utile, même quand on n'est pas raid leader. Ouais, c'est l'œil de Moscou ce truc quand même un peu, mais... Exactement. D'accord. Ah, mais c'est vraiment extrêmement bien fait, en plus avec un système de petites icônes. Il permet de se souvenir des 3 derniers raids, des 15 derniers, de tous les derniers raids. Il parle en français, il permet de faire des liens. Enfin, c'est très très très bien fait. Oh, on arrive quand même à des bons trucs de gestion maintenant au niveau raid, que ce soit en tant qu'addon ou pour les sites web quoi, donc. Exactement, là, mais surtout Headcount, c'est... vraiment je suis tombé dessus par hasard et je trouve que c'est une petite perle en ce qui concerne la gestion des VKP et des loots. Et au niveau des sites web, donc les 3 que tu nous as parlé, t'as un coup de cœur pour un en particulier ? Ben, je trouve que WoW Raid Manager, c'est quand même le meilleur, mais bon, c'est celui que, pour lequel il faut avoir soit des minimums de connaissances en programmation, et puis au moins un site web, quoi. Le mais troisième, c'est ça? C'est le troisième que tu as parlé, d'accord. Celui qui est complètement en français et qui permet une assez grande gestion. Bon, il n'a pas été complètement traduit à 100%, mais bon, c'est déjà assez mieux que, beaucoup mieux que Reda. Mais c'est dommage pour les loots, je trouve que c'est dommage que, tu vois, par exemple, qu'ils sortent un truc qui est juste sympa, vraiment fonctionnel, et que bah il manque des loots d'Uldua. Je trouve ça c'est franchement dommage des fois que les gens aient pas jusqu'au bout. Voilà, mais en même temps, apparemment, d'après ce que j'ai compris en fouillant sur le site, c'est une seule personne qui s'occupe, enfin qui a créé ce site et qui la gère, donc j'imagine que ça doit lui prendre énormément de temps. Ouais, ça. Il y a un système de forum, etc. Puis il gère tout ce qui est avant Ulduar, mais pas encore Ulduar, apparemment. Enfin, peut-être qu'au jour où sortira la chronique, il aura déjà rajouté tous les loots, c'est possible. Tu as parlé donc tout à l'heure pour le troisième, donc c'est WoW Raid Manager, qu'il fallait un peu de connaissances en programmation. Bon, c'est juste surtout pour l'installation, on va dire, c'est ça. Après le reste, toi, voilà, t'as pas eu de problème particulier. C'est-à-dire que moi, personnellement, je sais pas comment on fait, mais que Ludo, ça lui a pris 3 minutes de l'installer sur otaku.fr, donc ça doit être très simple. Bon, on va dire, pas besoin de langage, enfin, pas besoin d'avoir forcément des connaissances en programmation, mais juste connaître les différentes informations liées à son hébergement. À partir de là, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances particulières. Mais en tout cas, une fois installé, c'est extrêmement simple. Parce que moi, enfin, je sais pas si t'en as encore vu d'autres, parce que moi, nous, on utilisait PHP Raider, ah, qui oui. était un programme en PHP. Un peu pareil aussi, les gens s'inscrivaient avec un compte, pouvaient mettre plusieurs personnages, s'inscrivaient au raid, etc. C'était très, très, très pratique aussi. Je sais pas si t'as vu un peu... PHP Raider lui-même, non, mais ce qu'on appelle un PHP Raider... Enfin, maintenant, c'est un nom générique, WoW Raid Manager en est un. Ouais, ouais, voilà, justement. Il y a énormément de sites qui existaient avant, comme par exemple MMO Fiesta, etc., qui n'existent plus pour la gestion. C'est pour ça que j'ai gardé seulement ces trois-là, parce qu'ils sont à jour, parce que pour la plupart, ils sont assez récents ou alors très très bien installés. Ouais. Au PHP Raider, c'est un truc que justement, t'installais aussi sur ton propre site ou sur ton hébergement. Hein. C'est toi, tu pouvais changer les icônes de raid, mettre des descriptions, des raids type en fait, avec les heures de départ, etc., qui étaient pas mal aussi. Mais je pense que ouais, ça se rejoint un petit peu, c'est le même style. C'est exactement la même chose. J'ai vu des screenshots de l'ancien, en tout cas. Et WoW Raid Manager, apparemment, c'est d'ailleurs quelque chose qui a été repris. C'était une idée déjà existante que quelqu'un a remaniée et je pense qu'il l'a poussée au maximum. Ah bah c'est sympa, ce sera à voir ça. Et qu'en est-il du calendrier de Blizzard en fait ? Ben voilà, le calendrier de Blizzard, donc c'est très très bien implanté dans le jeu, hein, mais ça permet surtout de s'inscrire à des raids qui sont déjà bien installés, donc c'est-à-dire que les gens savent qui ils invitent en tank, qui ils invitent en DPS, qui ils invitent en soin. Parce que s'ils invitent tous les gens avec leur reroll, etc., à la fin, comme on ne peut pas spécifier, on ne peut voir que la classe des gens, mais pas leur rôle, on ne sait pas si on ne va pas se retrouver avec 5 tanks, 2 DPS et un soigneur, et puis les autres seront absents. Ouais. Bon, ce qu'ils ont rajouté de pas mal, c'est que via l'armurerie, tu peux accepter ou refuser sans forcément être connecté. Parce que ça, c'est ce qui me faisait peur au début. C'est qu'on pouvait pas, on était obligé de se connecter donc, pour accepter ou refuser un raid, en fait. Donc, ouais, tout à fait. Et puis maintenant, on peut le faire via l'iPhone. Oui, exactement. Je suis allée voir récemment sur l'armurerie comment ça marchait. Ça marche aussi bien qu'en jeu. Il reste tout simplement le problème des spécialisations des gens. Quoi. Quel rôle ils vont avoir dans le raid. Peut-être que Blizzard un jour poussera encore plus loin l'idée de l'armurerie qui pour l'instant est pas mal en proposant justement ça. Exactement. S'ils pouvaient inclure un système qui permettrait à la fois de gérer les rerolls, les rôles des gens et ceux qui sont par exemple en liste d'attente. Parce que dans le groupe calendar, dans le nouveau calendrier World of Warcraft, il n'y a pas non plus de liste d'attente. Bah, de toute façon, si on regarde Blizzard, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent au niveau des add-ons inclus en jeu, que ce soit l'armurerie ou maintenant groupe Calendar, enfin tout ça, c'est des idées qu'ils ont pris des add-ons avant qui existaient, etc. Parce que je me souviens que l'armurerie, c'est un petit peu, on va dire, le roster en fait, le guild roster. Voilà, en mille fois mieux, parce que le guide roster, c'était une daube à faire, parce que je me souviens que j'ai mis des jours, parce que des fois, ça paumait les requêtes, et ça désinstallait tout, fallait tout réinstaller. Mais c'est vrai que c'était super important. Tu voyais même les gens où ils étaient, où ils s'étaient déconnectés, ce qu'ils faisaient. C'était surtout les accès, en fait, qui étaient importants aussi à l'époque. Ouais, les clés, tout ça, ouais, c'était super pratique. Je trouve qu'ils ont bien réussi déjà l'armurerie, ça c'est vraiment la grosse réussite. Ils ont bien réussi aussi l'intégration du gestionnaire d'équipement, donc on peut espérer qu'un jour ils feront la même chose avec la gestion des loots et des DKP en raid. Enfin, en gros, Blizzard, si vous nous entendez, faites quelque chose. Parce que, justement, le truc c'est qu'on doit toujours tourner en des trucs en PHP, du PHP BB, du WordPress, du... plein de Joomla, il y a plein de trucs différents qu'à chaque fois, soit tu dois payer si tu veux un truc complet ou pas, machin. S'il vous plaît, faites-nous un truc complet, avec un raid manager, en relation avec l'armurerie, un truc sympa. Sérieux, ça pourrait que satisfaire tout le monde, là. Mais enfin, je pense que l'idée doit être dans les cartons, mais après, ça va être le temps de développement, en fait, qui doit mettre du temps. Ça va être ça, je pense. Bah, tant qu'ils le feront pas, en tout cas avec ces sites-là, on peut tourner de manière très très simple, sans se faire chier avec des tableaux, des post-it, etc. Et donc, c'est sur ces mots que j'ai fini ma chronique sur les raids. Bon, bah merci Amandine en tout cas. Ah bah je t'en prie. Ah, moi j'ai fait des grosses découvertes et franchement je suis pas déçu d'avoir fait la chronique. Bah voilà, espérons que ça fera découvrir ce genre de choses à nos auditeurs. Et tout de suite, on passe à la chronique des coups de cœur. La chronique des coups de cœur, c'est comme une caresse sur mon cornu. Comme on vous l'a dit en intro, donc c'est la chronique coup de cœur qui n'est plus liée qu'aux jeux vidéo, mais un peu à tout ce qu'on a plus ou moins aimé dans ce mois-ci, donc que ce soit au niveau donc jeux vidéo, films, séries, ou même des musiques, enfin des choses qu'on aimerait vous faire découvrir en fait. Et donc bon, ben, c'est Amandine qui s'y colle pour le premier. Amandine, qu'est-ce que t'aimerais nous faire découvrir pour ce mois-ci? Alors, ma découverte du mois, c'est une série animée qui s'appelle American Dad. Ça a été créé en 2005 par le même mec que les Griffins, pour ceux qui connaissent cette série. Et donc, on peut dire qu'American Dad, bah, c'est encore une copie de ce modèle. Mais je trouve ça quand même beaucoup plus drôle que les Griffins. C'est plus dans l'esprit des Simpsons. Donc, le père s'appelle Stan Smith, il a un nom très original. Il est agent de CIA. Il a beaucoup de défauts, il est conservateur, il est misogyne, il est réactionnaire, il est anti-homo, et il est fan de George Bush. Ah ouais, il a tout pour lui. Voilà, donc c'est vraiment Homer 2, sauf qu'il n'est pas vulgaire et il passe pas son temps à boire, mais il est tout aussi relou. Alors ça, c'est un peu comme dans les Simpsons, vous avez des réparties au tac au tac, des gags assez rapides, donc les premiers épisodes, moi je m'y attendais pas, j'ai trouvé ça un peu déroutant, parce qu'en fait on n'a pas tellement le temps de s'attarder sur les gags, on n'a pas le temps de rigoler, on n'a pas le temps de trouver ça drôle. Mais ensuite, on s'habitue au rythme. Et donc, toute la famille, mis à part le père, on a aussi la femme, qui est une femme au foyer brimée, qui s'appelle Francine. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment d'épaisseur. C'est juste une bonne femme, quoi. Et donc, ça va bien avec le personnage principal, puisqu'il est misogyne, il a la femme qui va avec. Ils ont deux enfants. Hayley, qui est une fille qui est baba cool et un peu nymphomane sur les bords. Steve, un ado geek, fan de jeux de rôle et en manque de copines. Ah bah tiens, beaucoup vont se reconnaître là-dedans. Voilà. Oui, il y a un épisode qui fait plus ou moins allusion à World of Warcraft et qui est d'ailleurs très très bien tourné parce qu'en fait, on se retrouve dans le monde du jeu vidéo auquel joue Steve et le dessin est très différent. En fait, ils ont adapté le dessin et c'est limite crédible. Ils auraient pu en faire un véritable dessin animé. Et j'espère qu'ils feront ça dans d'autres épisodes, parce que c'est super intéressant à voir, ça fait un peu penser, mais de loin quand même, à cet épisode de South Park sur Arrow. Ah oui, si vous avez vu. En Makinima, c'était, je crois. Voilà, mais là c'est pas en Makinima, mais c'est dans un style de dessin assez comics, très sympa. Et ils hébergent également deux insolites, on va dire. Donc déjà un alien alcoolique qui s'appelle Roger, qui regarde la télé à longueur de temps parce qu'il est dépressif, et qui est obligé de rester cloîtré à la maison pour pas leur attirer de problèmes. Et Klaus, un ex-skieur allemand qui est coincé dans le corps d'un poisson rouge. Et qui passe ses journées à faire des avances à Francine. Mais il n'oublie pas tout au bout de deux secondes, non? Ah non, lui, il n'a rien oublié du tout. D'ailleurs, on a souvent des flashbacks, enfin pas des vrais flashbacks, parce que c'est lui qui se souvient et qui nous raconte son ancienne vie. Il y a d'ailleurs un épisode qui est raconté par lui, il revient sur le passé. D'accord. Et puis, donc il y a énormément de situations drôlatiques, on s'en doute. Alors les premiers épisodes, ils nous mettent tout ça comme ça sous le nez, donc forcément ça fait un peu gros, je trouve. C'est pour ça que j'ai eu du mal à accrocher au départ. Tout d'un coup, on se retrouve avec le poisson rouge, l'alien, les quatre membres de la famille qui se balancent des blagues. On est un peu largué au milieu nulle part, mais ensuite, au bout du troisième épisode, ça devient franchement drôle. Et puis c'est surtout le principe de le petit incident de départ, le début d'épisode tout banal. Et puis il y a quelque chose qui fait boule de neige et qui prend des proportions énormes, et on se retrouve avec des situations complètement décalées où où ils sont stars du rock, ou alors ils se retrouvent enfermés à Kaboul. Enfin, c'est bien, bien délire, bien déjanté comme série. Et je trouve ça super sympa. Je suis en train d'attaquer la deuxième saison et je m'en lasse pas. Ah, ça a l'air sympa. Je connaissais pas du tout. Bon, bah ok, bah super. Alors, mon coup de cœur de ce mois-ci, ou plutôt mon gros coup de gueule en fait, moi ça se situait plutôt au niveau d'Harry Potter 6, au niveau du film. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, Amandine et Circle. Bah, moi non, j'aime pas du tout. Bon, moi c'est fille. Et toi, Circle ? Moi je suis allé le voir juste après que tu sois revenu du cinéma d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, exact. Genre, tu m'avais fait un très mauvais feedback et je suis quand même allé le voir. Ouais, alors moi franchement, j'ai toujours adoré Harry Potter en fait, depuis le premier. J'ai pas lu les bouquins, enfin j'ai lu jusqu'au bouquin 4, on va dire, donc j'ai pas lu le bouquin du 6. Et en fait, donc je crois que le 6 il dure 2h30. Et en fait, donc t'arrives, la musique commence, t'es à fond et tout ça. Et là, tu dis au bout d'une demi-heure, tu dis tiens, c'est bizarre, il est un peu mou le film quand même. Tu dis bah ça va partir et t'attends, et t'attends, et t'attends. Au bout de 2h30, tu dis ouais, ben le film il est fini et t'as pas d'action. Voilà, déjà pour commencer, tu dois avoir un combat dans tout le film. Bon, on va éviter trop parler des l'histoire en elle-même pour pas trop spoiler, en fait, pour ceux qui l'ont pas vu, qui comptent le voir. Mais moi, je l'ai trouvé incroyablement mou. L'épisode 6, a priori, c'est celui qui doit justement raconter la guerre entre les aurores et les mange-morts. Et ben là, t'as que dalle, t'as rien du tout sur tout ça. C'est juste focalisé sur les amourettes de Ron et Harry. Donc limite, tu te fais chier, en fait, pendant 2h30, regarder un film pour fillette de 14 ans. Voilà, super, Harry sort avec une fille, super, Ron il embrasse une autre fille, waouh, terrible. Et à côté de ça, ben, les guerres contre le bien, contre le mal, t'as rien, tu vois rien. Tu as juste un combat et à la fin tu te dis ça y est, ça va partir, c'est trop bon. Et en fait, il y a tout qui est coupé dans tous les sens. Donc, Je suis pas trop... Enfin, c'est ton avis ça, après moi je suis pas trop de cet avis, personnellement, hein. Je suis pas un énorme fan d'Harry Potter, mais... je sais pas, moi j'ai trouvé ça bien, enfin, c'est mon avis, mais oui, bon, les amourettes de René Harry, machin, la rigueur, si tu passes à côté, il y a quand même pas mal de trucs sympas, non ? Ah bon ? Comme quoi ? Non, mais je sais pas, il y a quand même des beaux combats. Personnellement, je trouve qu'il y a des combats, faut pas que ce soit un film à la G.I. Joe, quoi, je veux dire, avec des mecs en armure qui se tapent dessus tout le long, quoi. Ouais, personnellement, j'ai pas lu le bouquin, moi, j'ai pas lu les bouquins, je l'ai pris en tant que film en lui-même, pas en tant que film dans une série de films où il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Ouais, mais bon, je veux dire, au fur et à mesure, t'avances dans l'histoire, le 6 est quand même l'avant-dernier. Parce que l'histoire se finit avec... Il y a 7 tomes en tout, donc il y aura 7 films, qui sera coupé en deux d'ailleurs, le dernier. Mais, mais voilà, t'arrives là, t'as rien en fait, sur toute l'histoire, on dirait que tu regardes le premier, quoi. Limite, t'as plus de magie dans Harry Potter 2 que dans le 6. T'as rien, en magie, ils doivent lancer 30 sorts dans 2h30 et encore. Ben... Il y a pas de magie qui opère en fait, c'est ça qui me rend fou en fait dans celui-là, dans le 6ème. Bref, ouais, la magie... je trouve que si tu regardes la plupart des séries, enfin, trilogies ou plus, mais surtout les trilogies, il y a toujours le film avant le dernier, donc le deuxième pour la plupart. C'est toujours le film qui est un peu le film transitoire, quoi. Il y a des trucs qui se préparent. Personnellement, moi, j'ai quand même vu des trucs qui se passaient en n'ayant pas lu le livre, donc en m'y attendant pas, j'ai quand même appris pas mal de choses, quoi. Je sais pas, c'est personnel. Après, en tant que film en lui-même, je le trouve bien, quoi. Bah, même au niveau de l'histoire, voilà. Il s'appelle Harry Potter, le prince de Sang-Mêlé. Ok. Donc, le prince de Sang-Mêlé, t'en entends parler juste au début, parce qu'il récupère un objet à lui. Et à la fin, t'entends plus parler du tout de lui. Durant tout le film, à la fin, il fait haha, c'est moi le prince de Sang-Mêlé. Et voilà. Ouais. C'était l'intrigue du film, super. T'en entends pas parler en tant que tel. Ben non. Mais tu le vois tout le long du film, d'ailleurs. Enfin, je veux dire. Il le dit à la fin, etc. Tu sais pas ce que ça représente, si c'est une personne, si c'est un objet, si c'est, je sais pas, un ordre comme l'ordre du phénix. Tu sais rien en fait, c'est qui le prince de Sang-Mêlé, tu sais rien. Et juste à la fin, tant mieux. Ça. Oui, mais. Oui. Tant mieux Tant mieux ouais, tant mieux, mais bon, pourquoi tu l'appelles le prince de Sang-Mêlé si tu montres rien sur le prince de Sang-Mêlé? Mais on le saura peut-être dans le 7. Ah non, parce qu'à la fin, elle a dit c'est moi le prince de Sang-Mêlé. Et il l'annonce, c'est l'annonce d'un début cataclysmique pour l'épisode 7. Mais justement, il n'y a pas de cataclysme à la fin, quoi. Même la fin où la fin c'est censé être émouvant, tu te fais chier comme un rat mort, quoi. Limite, t'as envie de prendre la baguette, tu files-moi ça, c'est moi qui vais faire le boulot, tu vas voir. donc voilà, je veux dire, moi je l'ai trouvé incroyablement mou, j'étais vraiment, vraiment déçu. Et les personnes qui sont allées le voir après moi, que je leur ai dit, Bon, le fait que j'avais été très déçu, ils m'ont dit, ouais, je l'ai un peu plus apprécié en m'attendant vraiment à rien, en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai apprécié, alors. Parce que t'as été mon premier et unique feedback entre le moment où il est sorti et le moment où je suis allé le voir. Et bah, toi, t'es arrivé tout en pleurant et tout. C'est pas beau. Et moi, je suis vraiment en m'attendant à rien, en espérant rien. Et bah, j'ai été surpris en bien, personnellement. S'il avait été vraiment une daube, je t'aurais dit, bah ouais, franchement, c'est une daube. Mais franchement, voilà. En tant que film, si on ne l'inclut pas dans une histoire suivie, Harry Potter, tout ça, je trouve que lui-même, c'est un bon film, quoi. Je sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, Mandine, elle s'en fout. Tout ce qu'elle attend, c'est le film Totally Spies. Tout à fait. Enfin, voilà. Enfin, bon, toi, Circle, t'as plus ou moins apprécié. Moi, bof, hein, j'ai pas du tout aimé. Enfin, voilà. C'était juste mon coup de gueule, enfin mon coup de cœur, coup de gueule du mois. Non, j'attendais vraiment ce film avec grande impatience et voilà, j'étais vraiment déçu alors que les autres, j'ai toujours été à fond et là, la magie n'a vraiment pas opéré. Quoi. Limite, je me dis, c'est le même réalisateur, je crois que le 7, je suis pas sûr d'aller le voir. Hein. Qu'est-ce que ça va être avec WoW ? Il y a tout le monde qui va attendre un truc énorme, dantesque et on va tous être déçus alors. Moi, je dis, faut pas aller voir un film en s'attendant à la pure bombe, parce que à chaque fois, on sera déçu, il y aura toujours quelque chose qui manquera. Ouais, mais s'il devait satisfaire les millions de spectateurs, il y aurait toujours qui serait pas content. Ah, mais là, c'est sûr, il a satisfait toutes les petites filles, là. Ah, là, c'est clair. Hein. Avec tous les amourettes, là, on est sûr. Hein. Enfin, voilà. Quoi. Donc, c'est mon petit coup de gueule du mois. Donc, et toi, Circle, petit coup de cœur, petit coup de gueule. Bah alors pour mon coup de cœur là du mois, j'ai repris récemment un jeu. C'est un MMO de type spatial qui s'appelle Exile. Donc peut-être y en a qui connaissent. C'est quoi un MMO spatial ? Alors un MMO, c'est un MMORPG donc, hein, comme ouais. Le jeu qu'on a l'habitude de jouer, spatial, donc ça se passe dans l'espace. Et ça se passe uniquement par navigateur. C'est gratuit. Et en fait c'est un jeu qui a l'air un peu compliqué au départ, qui est assez lent, mais c'est très prenant et on finit par s'y accrocher en fait. Il n'y a pas d'interface graphique, d'animation ou quoi, hein, ça se passe tout par tableau, etc. Mais c'est prenant. Il y a une interface graphique, si, au niveau de la galaxie où on se trouve, d'un secteur. Et en fait, parce qu'il faut savoir en fait que c'est assez immense. On arrive dans une planète qui se trouve dans un secteur où il y a environ une vingtaine de planètes, et ce secteur se trouve dans une galaxie où dans cette galaxie il y a environ une centaine de secteurs et il y a environ 20 galaxies, donc c'est assez énorme. Donc, le but est de se développer. On peut choisir d'être un militaire, donc faire des vaisseaux de combat, etc., et d'aller taper sur les autres, et ou être un marchand, donc faire des sous. On peut aussi aller se battre, mais c'est déconseillé. Et on peut faire scientifique, donc développer les planètes beaucoup plus rapidement, etc. Et je trouve ça c'est prenant, ça a l'air de rien quand on l'essaye la première fois au début, ça dure longtemps, c'est-à-dire que les premières recherches pour se développer peuvent durer entre une heure et trois jours, et les constructions de bâtiments pareil peuvent durer très longtemps. Et ensuite, après, on se retrouve facilement avec 5, 6, 10 planètes à gérer, construire des vaisseaux, aller coloniser d'autres planètes. Et ensuite, après, ça se passe là où ça devient intéressant. C'est un peu comme WoW, en fait. Au début, on fait les quêtes un peu tout seul, on se développe tout seul. Et ensuite, on joue en guilde. Et là, en fait, on joue en alliance et on va taper sur les autres alliances, on déclare des guerres, on fait des pactes, etc. Et je me souviens que j'y avais joué il y a 2 ans, on avait fait une énorme guilde qui avait un peu tout cassé sur le serveur. D'ailleurs, ils ont décidé d'arrêter le serveur à cause de nous. Parce qu'on avait tout bouffé. On avait tout bouffé, je crois que les trois quarts. Exactement. Il fallait pas nous inviter. Donc en gros, c'est un jeu MMO. Comme on a l'habitude d'en voir, des MMO gratuits qui se passent simplement dans une fenêtre de navigateur. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une bécane impressionnante. Et l'avantage, c'est qu'un jeu qui est assez lent, donc on peut jouer en casual tranquillement. Si on se connecte 2-3 fois par jour dessus pour faire nos constructions, nos évolutions, bah ça va très bien. Et il y a une petite communauté qui se forme autour et c'est bien sympa. Donc je vous le conseille. Et pour conclure, je dirais que le mieux, c'est de se faire un avis par soi-même et de tester directement le jeu. Et bien entendu, donc tous les liens seront présents dans les notes de l'émission. Je crois que on arrive à la fin de l'émission, de l'épisode 5. L'épisode maudit, comment on l'appelait. Maudit. Le maudit. Ah ouais, non, mais celui-là, entre les chroniques perdues, entre les départs de Brock, de JP, l'arrivée de Circle, voilà, que des mauvaises nouvelles. Donc, donc voilà, on est enfin arrivé à vous le sortir, après au mois de retard, hein, c'est une babiole. Hein. Ouah, ça va. Bon, on sera à l'heure pour l'épisode 6, vous inquiétez pas, on laissera le libre entre le 10 et le 20, donc l'épisode 6 septembre. Il y aura Circle et Amandine, enfin plutôt Amandine et Circle avec moi. On va essayer peut-être de faire venir un ou deux invités, enfin vous verrez. Donc voilà, ben, si quelqu'un veut prendre le mot de la fin. Non mais voilà, beaucoup de joie, beaucoup de peine dans cet épisode. Voilà, je suis content que Circle nous ait rejoint. Je suis très triste que Brock et JP aient cessé l'aventure, mais bon, je pense que, j'espère vraiment qu'on les retrouvera un peu plus tard. Et voilà, on vous souhaite un bon mois. Profitez bien du patch 3.2, même si certains ont pratiquement fini déjà le Colisée, ce qui entre nous est pas très dur. Et voilà, on espère que cet épisode vous plaira, que vous serez toujours aussi nombreux et fidèles à nous écouter pour l'épisode 6. Bon, c'est avec grand plaisir que j'ai rejoint l'aventure et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures. Salut à tous. À toute bioute. Let's go. Bonjour les enfants. C'est votre amie Céline. Je vais vous conter une histoire merveilleuse. L'histoire des clans nains de World of Warcraft. Tout là-bas dans les montagnes d'Altirac. Alors, parce que moi je veux parler des titans une fois. Ça y est, Circle est devenu belge aussi. Et il veut parler des titans une fois. Et l'arrivée en griffon est magnifique, la première fois qu'on y arrive d'ailleurs. Enfin, en griffon, quand on y arrive à pied, la première fois. C'est vrai que l'arrivée en griffon à pied, c'est quand même vachement sympa. Putain, je suis prêt d'une énergie folle aujourd'hui, c'est incroyable. Et également, vous pouvez marcher sur l'eau tel Jésus. Oh lol. Que c'est débile. Somewhere over the rainbow, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'introduction de l'épisode? D'accord. Et sans plus attendre, nous passons donc au sommaire. On chevauche un peu, tu m'excuseras. Ah mais c'est pas grave. Ça me dérange. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tu es le héros du goûter. Attends, je vais t'introduire, d'accord. Ça va, on va se calmer, ouais, quand même. Attends, deux petites secondes avant la quatrième question. Hop, tac. Ouf. je resserre le nœud. Bon. Bien sûr, je me lance dans le vide. Je pousse le tabouret. Oui, vas-y, Ludo. Ouf, j'ai failli couper l'enregistrement de... Attends, je l'ai gardé. Ok. Voilà, c'est bon, vous avez fini de faire les cons. Bravo. Allez, c'est bon, on arrête l'hémorragie, là. Voilà, bon mois à tous et au mois prochain. Yes.